Les rêves deviennent monstrueux, la terreur prend son tour. Buffy perd son chemin, le monde devient insensé. Les peurs prennent vie soudain, le cauchemar est lancé. Bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Pourquoi Buffy, c'est génial. Épisode numéro 59, c'est monstrueux, 59e podcast. Déjà. On écoutait un magnifique générique début qui s'appelle Les Cauchemars. Un morceau du groupe Suno.ai. Très à la mode. Très à la mode. Donc un morceau généré hein, par nos amis les intelligences artificielles hein, qui nous rendent bien des services. Et un morceau inspiré évidemment de l'épisode qu'on va commenter aujourd'hui. Je suis bien évidemment Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné de Riley, comme d'habitude. Hein. Salut, bonsoir. Il y a des choses qui ne changent jamais. Vous suis fidèle au poste. Tout le temps là, Riley. Hein. Ça t'ennuie ou... Non, un petit peu. D'accord. Mais super. On a un peu de nouveauté. Nous avons Mallory avec nous. Comment ça va? Ça va. Mallory, on t'a déjà entendu, je crois, dans le podcast. Ouais, ouais. Je change d'identité à chaque podcast. Voilà. Par contre, il va falloir déménager. Hein. Ça fait 2-3 mois que vous êtes assise ici. C'est ça. Ah, d'accord. Enfant cheval, cheval sauvage. Je réponds à plusieurs noms. Ok. Et Mallory nous rejoint. Sartman. On peut faire une annonce officielle. Bah, c'est officiel, ça y est. On a recruté Mallory au mercato, là. C'est ça. Quelques millions d'euros, ça nous a coûté. Mais, ouais, hein. Mais elle a signé. Elle a signé Pourquoi Buffy, c'est génial, Football Club. On est content. Bienvenue Mallory. Ouais. Mallory, tu traduis en plus des articles Buffy, on le dit oui, pas assez, ça. Je traduis des Buffy Studies pour le site Slayage. Et la prochaine va arriver cet été. Trop bien. Eh ben, on est super content de t'avoir avec nous. On fait un gros bisou à Clément qui reviendra nous voir évidemment quand il aura fini de tracter quoi. Parce qu'il tracte au métro pour le Front Populaire. On a hâte de te revoir Clément. Et aussi on accueille un ingénieur du son. Alors ça c'est fou. Salut Xavier. Salut Xavier. Alors là, c'est la première fois en 10 ans qu'on a un vrai ingénieur du son. Voilà, donc le son est impeccable, c'est un ingénieur du son professionnel. Il y a un matériel de dingue, vous vous rendez pas compte. C'est de la folie. Et surtout, moi, je n'ai plus à m'occuper du son. C'est incroyable. Tu donc, vas dire merci. Encore plus de conneries. Merci beaucoup à vous deux d'être là. Et on a aussi un invité. Un podcast complètement exceptionnel. Bonjour Fabien, comment ça va? Ah bonjour, ça va bien. Donc Fabien Clavel, tu es... Alors attends, j'ai préparé une petite présentation. Parce qu'il se rappelle pas qui tu es. Ouais, ouais, ouais. Tu es auteur de romans, de nouvelles, de jeux, de plein de trucs. Ta bibliographie sur Wikipédia est très très impressionnante, hein, très longue. Et tu as eu l'excellente idée de sortir un essai il y a quelques mois, un essai consacré à Buffy, intitulé Buffy Baroque Épopée chez Nemos. Ça va aller, Nemos. Ça va aller. Dès qu'il y a plusieurs syllabes, moi je galère de toute façon. Hein. Et ben, on a hâte d'en parler avec toi. Bah, j'espère. Bienvenue. Donc fan de Buffy. Alors si tu fais un essai, Buffy. J'ai pas fait d'autres essais à ce jour. Donc oui, non, c'était Buffy depuis 20 ans. Trop bien. Que j'avais envie de le faire et ça y est. Et donc t'es prêt à commenter un épisode en direct? En plus, c'est un super épisode. Je pense que ça va être pas mal. On est aussi en direct sur Twitch, Riley. Raconte-nous ça. Là il y a déjà plein de gens sur le chat. Déjà bonjour à tout le chat. Salut. Vous êtes tellement nombreux. Il y a les fidèles, les habitués, les auditeurs fidèles, c'est ça que je voulais dire. Et notamment Big Game, le quatrième mousquetaire, qui est là pour assurer la modération. Pour assurer les bannes. Et donc, si vous n'êtes pas encore, si vous ne nous suivez pas sur Twitch, c'est twitch.tv/pourquoibuffy. Rejoignez-nous et les lives, quand il y en a, hein, c'est régulier, certainement les lives. Les lives, c'est. Oui. À chaque dissolution de l'assemblée, il y a un live. Ah oui, d'accord. Donc, n'hésitez pas à nous suivre. Donc c'est prochain. Très chaud. Et quel est le sommaire, mon petit Riley? J'ai préparé ça aussi. Ah oui, ça c'est important le sommaire. Alors comme d'habitude, on change pas. On a recruté au mercato, mais on change pas la formule, sûrement pas. Donc on fera comme d'habitude la rubrique des gros bisous. Dans laquelle on fait des gros bisous aux gens qu'on aime bien. T'as préparé ça, Fabien? Ah bah oui, j'ai bossé. Hein. Ensuite, ce sera la rubrique Actu avec Big Game, justement, en direct de l'Est. qui vous donnera toute l'actualité sur Buffy et son univers. Et ensuite, nous passerons enfin à l'épisode du jour, Nightmare, épisode 10 de la saison 1, en français qui s'appelle Billy. Bonne traduction, hein. Fidèle. Très proche, ouais. Nightmare, ça veut dire Billy. Et donc, ce sera... T'es bien, ouais, ça fait, t'as fait des progrès. L'occasion de parler de nos pires cauchemars, évidemment, de parler des traumatismes d'enfance, des rêves qui traduisent le subconscient, tout plein de choses. On parlera évidemment de, d'angoisse, d'agression, c'est terrible, de mise en scène comme d'habitude, de montage, de musique, et même de politique. Parce que éventuellement. Aussi, on va... Si, ça va. Bah, tout est politique, de toute façon. Tout est politique, et nous, on... ça y est. nous, ça y est. bref, et on, ensuite, ce sera enfin ta rubrique, Fabien, la rubrique de l'invité, où tu nous diras tout ce que tu aimes sur Buffy. Et on parlera beaucoup de ton, ton essai, évidemment. Et enfin, pour terminer, donc ça, il sera 4h du matin à peu près. Pour terminer, ce sera la, la rubrique des 6 thèmes Buffy, tu aimais ça, dans laquelle on parle de coups de cœur qui ont plus ou moins un rapport avec Buffy. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Buffy que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, et si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast préféré, vous nous le dites et on se charge d'y remédier. Le podcast existe également en vidéo sur YouTube. Vous pouvez aussi le retrouver chez notre partenaire, l'excellent site Sunday Revival, votre site sur l'actualité du Buffyverse. Et je vous rappelle l'adresse de notre blog où il y a tous les liens. C'est pourquoibuffycestgénial.wordpress.com. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Tout de suite, c'est la rubrique des gros bisous. Timmy's down the bloody well. And if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death. This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Oui, des gros bisous. Cette semaine, pas mal de gros bisous, mais pas de gros bisous iTunes. Hein. Les gens n'ont pas mis 5 étoiles. Les gens n'ont pas mis 5 étoiles et n'ont pas commenté sur iTunes. C'est pas bien. Est-ce que tu te rends compte? C'est terrible. Non, donc, si j'avais su ça, je serais pas venu. Hein. Ouais, voilà. Donc, heureusement que ça s'est pas su. Mais alors, je vous invite, à, si ce n'est pas déjà fait, à nous noter sur iTunes. Ah oui. 5 étoiles pour. Alors, on dit plus iTunes depuis 1993, oui, je Apple crois. Apple Podcast. Ouais. Voilà. Apple Podcast. Et surtout, allez voter dimanche, évidemment. Donc moi je fais des gros bisous à Laura Claire qui a parlé de Reaper sur son blog. Son blog c'est lauraclaireauteur.com. Et ouais, on a fait une fiction audio qui s'appelle Reaper. Ce sont les aventures de, du jeune Rupert Giles à Londres dans les années 70. C'est assez génial. Et donc c'est pas fini, hein. On a encore des épisodes à vous livrer. Trois épisodes. Voilà, mais donc elle avait beaucoup apprécié les premiers qui ont déjà été diffusés et on l'en remercie. Gros bisous à Gloomy26 qui nous a envoyé un sympathique message sur Instagram. Une autre Laura qui nous écoute pendant ses balades quotidiennes. Et qui adore le bingo de Kairis. Ah oui. Parce que voilà, Kairis, donc fidèle auditeur, nous fait des bingos à chaque live. Bingo que vous pouvez retrouver sur nos réseaux sociaux. Hein, on les a partagés. Donc n'hésitez pas à aller voir ça, à cocher les cases du bingo si on parle de ce qu'il y a dans la case. Hein, et vous allez gagner de nombreux lots à gagner. Ah oui, des super lots à gagner. Ouais, des abonnements. Et une photo de Clément, je crois. Voilà. Et habillé ou pas alors ça dépend si tu fais une ligne ou toute la à chaque ligne t'as une ligne de pixels qui se débloque, c'est ça. On fait des gros bisous à Ophé aussi qui via Spotify nous raconte qu'elle a binge-watché tout le podcast, elle est déjà en manque, donc pour toi Ophé, un nouvel épisode c'est cadeau. Marc de Horror News Podcast, est-ce que vous connaissez Horror News Podcast? Tout est dans le titre. Maintenant, oui. C'est un podcast qui fait des news sur l'actualité de l'horreur, donc l'horreur au cinéma, en série, en livre. Ah oui, au sens large, ok, d'accord. Donc c'est toutes les semaines, c'est une fois par semaine. C'est très, très pratique ce petit podcast, ça vous permet d'avoir les infos sur l'horreur. Et il a fait aussi des épisodes hors série, notamment un sur Buffy auquel j'ai pu participer. Il est en 4 parties, on est 4 invités différents. Donc vous pouvez suivre ça sur Horror News Podcast et je mettrai évidemment le lien en description. Est-ce qu'il y a des gros bisous? Malorie, est-ce que vous avez un gros bisou? Oui, moi j'ai des gros bisous. Gros bisous à Rin Momo et à Julie, que j'ai vu hier, avec qui j'ai passé une super journée. Et gros bisous à Marion. Voilà, et d'habitude, Monsieur Cheval, mais là, il est juste à côté, donc il fait ça sert à rien. Il les a reçus, hein, ça se voit. Fabien, des gros bisous, peut-être ? Je sais pas si ça rentre vraiment dans la catégorie. Moi, je voulais parler de... ça tombe mal, je vais parler d'un autre, un autre podcast. Je sais pas si vous en avez parlé déjà, c'est Buffy sa mère. Ah, oui. Parler, ouais. J'en ai écouté quelques-uns et je trouve ça très sympa. Et notamment les... ce qu'elle propose à la fin, parce que c'est deux femmes qui font ça, elle parle d'œuvres justement, et j'ai écouté plusieurs de leurs conseils et je regrette pas du tout. Ah d'accord, ok. Voilà. Raya, vous avez des gros bisous ? J'ai deux gros bisous. Des gros bisous, pardon, je parle pas en micro. Un gros bisou à Solène qui porte des t-shirts Buffy au travail. C'est excellent, c'est courageux. Et un gros bisou à Jenny, rôliste, voilà, qui aime bien Buffy aussi. Et qui est donc rôliste alors ? Qui fait du jeu de rôle. Ça, c'est une super idée. Et qui vote pour le nouveau Front populaire le dimanche prochain. Cette personne est formidable. Elle a que des qualités. Elle est formidable, évidemment. Je vous envoie maintenant la rubrique actualité. Ah, d'accord. Avec Big M. The world's gonna want to know about Buffy. You had sex with Giles? Does he mention the cheerleaders? Because we were on. Twice? Hey, Jonathan, over here. Quick photo, please. Wait a shot. Another one. One more. That's the prophecy. Five people have died. In a car crash. Murder? What murder? You're not here about the review? God, doesn't anyone write in to praise the cheerleaders? Et oui, la rubrique actu, comme vous le savez, chaque semaine, Big Game, notre envoyé spécial en direct de l'Est de la France, nous fait les news du monde de Buffy. Donc c'est la rubrique actu pour tout savoir de l'actualité de votre série et des gens qui ont fait la série. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est la rubrique actu. Eh bien bonjour à tous, je suis Big Game et là tout de suite vous écoutez la rubrique actu. Aujourd'hui, cette pastille tournera en grande partie autour des conventions. Mais avant de vous en dire davantage, j'ai encore quelques actualités en vrac. On commence avec la fiction audio d'Amber Benson et Christopher Golden, Slayers, dont on vous avait déjà parlé. Et c'est officiel, la série ne sera hélas pas renouvelée pour une saison 2. Mais ne vous en faites pas, la première, et du coup unique saison, est toujours disponible sur la plateforme Audible. Après plusieurs années, le site français Buffy Angel Show a fait son grand retour en février de cette année. La marque Vampire Cosmetics sort un magnifique coffret collector de produits de beauté aux couleurs de Buffy. Pour cette occasion, notre duo de vampires féminins préférés, Juliette Landau et Julie Benz, ont posé pour un photoshoot exceptionnel afin de promouvoir cet article officiellement sous la licence de Disney. Le coffret peut soit être commandé directement via le site Phoenix Rising Cosmetics, soit il pouvait être acquis directement en main propre à la convention américaine Hellmouth Con du 15 juin dernier. Et la transition est parfaite puisque nous arrivons ainsi au sujet des conventions. Je vous emmène d'abord très rapidement du côté de l'Allemagne et plus spécialement des Comic-Con. Les 4 et 5 mai 2024, on pouvait aller rencontrer notre ami Larry Bagby à celle de Dortmund. Et les 5 et 6 octobre prochains, c'est James Masters qui se rendra à celle de Berlin juste avant de faire un détour par les Pays-Bas pour la Comic-Con Amsterdam les 12 et 13 octobre. Les habitants du sud de la France ont peut-être eu la chance d'apercevoir David Boreanaz lui-même tout récemment en visite à Monaco pour le festival de Monte Carlo 2024 du 14 au 18 juin et pour lequel il faisait partie du jury Fiction. Et revenons à présent chez nous en France. Comme vous le savez, votre équipe de podcasteurs favoris, c'est-à-dire nous, s'est rendue fin avril à la toute première convention de Geek & Cheese, Whispers from the Hellmouth, et qui a été sans le moindre doute un franc succès. Nous tenons à remercier Geek & Cheese pour l'accueil et la formidable collaboration. Restez à l'affût, car on me dit dans l'oreillette que plusieurs médias autour de cet événement pourraient sortir sur les internets dans les temps à venir. Et comme une fois n'est pas coutume, cette convention revient dès l'année prochaine avec une seconde édition. La Whispers from the Hellmouth 2 aura lieu à Paris les 15 et 16 mars 2025 et se voit déjà accueillir une lignée de guests incroyables et exclusifs que sont D.B. Woodside, dont on se souvient dans le rôle du principal Robin Hood, K.D. Obert, qui était la seconde actrice à prendre les traits de la tueuse Nikki Wood, et en bonus, notre Fred adoré de Angel, Amy Acker. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt et au plaisir de vous retrouver pour de nouvelles actualités. Et n'oubliez pas, le 5 juillet, Pourquoi Buffy c'est génial fête ses 10 ans et organise un petit apéro. N'hésitez pas à retrouver toutes les infos autour de cet événement via nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et X. Oui, merci Big M pour cette super rubrique actuelle. Et il oui, se passe plein de choses, hein. Le 5 juillet, ce sont les 10 ans de Pourquoi Buffy c'est génial. 10 ans, vous vous rendez compte? 10 ans. Oh, c'est incroyable. Donc on va fêter ça comme il se doit. On va boire des bières, incroyable. On va faire que ça surtout. Mais venez avec nous. Donc oui, le 5 juillet, si vous êtes à Paris ou dans ces environs, on va fêter ça dans un bistrot très cool qui s'appelle les Tables du Père Lachaise. On s'y retrouvera. Donc c'est comme son nom l'indique, c'est au Père Lachaise, métro Père Lachaise. On s'y retrouvera le 5 juillet. On a réservé la petite salle du bas. Hein, vous verrez, ça rien que pour nous. Et il y aura aussi une gigantesque terrasse parce qu'il fera évidemment beau. Hein, 5 juillet, on pourra c'est sûr. Profiter du soleil, ça va être incroyable, donc venez nombreux. Et alors par contre, il n'y aura aucun podcast en live ou quoi que ce soit, c'est juste histoire de faire la fête ensemble pour fêter ses 10 ans, c'est ça un Riley. Ça va être trop bien. Les 10 ans du podcast, c'est quand même incroyable, on n'a pas vieilli en plus. Il n'y aura pas une animation dans le cimetière quand même, parce que alors, là c'est l'occasion. Ça serait tellement bien. On verra bien, à la fin de soirée, effectivement. Vers 2-3 heures du mat, on peut se tenter un truc éventuellement. Et bon, c'est pas prévu. C'est vrai qu'on n'est pas loin. On a prévu de boire des coups. Parce que c'est costumé. Tu vois, non, c'est pas costumé, non. Vous venez en vous-même, en fan de Buffy, tout simplement. Tout de suite, c'est l'heure, enfin. Est-ce que je peux rajouter un truc? Ah ben non, on passe à l'épisode du jour. Parce que on a un ingénieur du son il a dit à Sarkman. Vas-y, baisse le son, vas-y, augmente le son. Il donne des consignes à Sarkman, c'est formidable à voir. Là, vous voyez pas, mais je vous le raconte. C'est trop bien, il y a un ingénieur du son pro, quoi. Et Sarkman, ça a l'air de t'ennuyer, non? Bah non, c'est génial. Ordres. Ah oui, c'est génial. Bah j'ai plus rien à faire. Tu m'as l'air bien à la cool. Ouais, je suis un peu à la cool. D'accord. Mais est-ce qu'on passerait pas à l'épisode du jour? Oui, c'est parti. Parce que je gère pas le son, mais je gère les jingles, quoi. Ok, hein. Ah oui. Ça, sûr. C'est grosse responsabilité. Tu t'es gardé ce. Ouais. C'est parti pour l'épisode du jour. I'm Cowboy Guy. And the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Des meilleures phrases de Cordelia, quand même. Oui, c'est toujours rire. Wake up in a coma, c'est toujours parfait. Donc aujourd'hui, on parle de l'épisode 10 de la saison 1, diffusé pour la première fois le 12 mai 1997. Ça s'appelle Nightmares, Billy en VF. Épisode écrit par David Greenwalt et réalisé par Bruce Seth Green. Parce qu'on a des choses à dire sur ces personnes. Je crois qu'au bout de 10 ans, on a déjà parlé de David Greenwalt et de Bruce Seth Green. En long, en large et en travers. Voilà, ouais. On en reparle rapidement. David Greenwalt, donc c'est le compère de Joss sur les premières saisons et il deviendra le showrunner de Angel. Évidemment à partir de la saison 4 de Buffy et il a aussi fait une série qui s'appelle Profit que vous avez peut-être vu avec Adrien Pazdar. On aime bien très peu d'épisodes, ça vous dit rien? Vous n'avez pas vu Profit? Je connais mais je ne l'ai pas vu moi. Je vous conseille cette série, c'est lui aussi qui a, c'est bien malsain voilà. Sur le monde de business quoi, de la et finance. Maintenant David Greenwalt malheureusement j'associe, au moment du Covid il y avait la convention de Big Bad convention, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, ils avaient annoncé en invité David Greenwalt, c'était pas un acteur, ils avaient invité le showrunner de Angel quoi. Et on avait hâte de le voir et on avait hâte de le classe, voir, puis là il y a eu Macron qui a annoncé le confinement Et du coup toujours, il n'est pas venu, c'est toujours la faute à Macron. Ouais, exactement. Est-ce qu'on a un petit pitch, Riley? On n'a pas présenté Bruce Seth Green, mais Bruce Seth Green c'est un réalisateur talentueux, expérimenté. Je fais du montage. Bruce Seth Green, c'est un réalisateur talentueux, expérimenté, un vieux de la vieille qui a fait plein de séries dans les années 80, plein d'épisodes de séries. Il a continué sur Buffy en saison 1 et 2 pour 8 épisodes et il a même fait du Angel après, il a fait plein de trucs. Il a même fait du Charm, le pauvre, du Charmed. Est-ce qu'on a un petit pitch, Riley? Alors j'ai préparé un petit pitch, évidemment. Ah mais ah oui. Alors dans l'épisode de la semaine, on va parler des pires cauchemars. Hein, nos héros font leur le Sarkman. Pardon? Je te retourne pas sur ta chaise. Juste derrière toi, sur le dossier de ta chaise. Et je me retourne ou je m'entends pas? Il y a un gros rat. Oh putain! Non pardon, j'ai mal vu. Mais Sarkman a très peur des gros rats. C'est ma phobie. Même des petits. Hein. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ok, ce pitch. Donc Scooby Gang va devoir affronter ses pires cauchemars à cause d'un gamin, Billy. Un petit gamin qui. Malory, arrête de bouger sur ta chaise, s'il te plaît. J'ai rien fait moi. Si t'es en train de bouger. Non. Pourquoi t'as assis dans une chaise d'avion? Arrête! L'avion va se cracher, Mallory! Pardon, c'est nul. Ah, il connaît toutes nos phobies en fait, c'est son super pouvoir. Comment il fait? Ah, c'est fou. Non, bref, donc vous avez compris, c'est un épisode dans lequel les personnages vont vivre leur pire cauchemar. Et il est cool, cet épisode est très très cool. Et tout ça à cause d'un enfant dans le coma, vous allez le découvrir. J'imagine que vous connaissez déjà tous l'épisode. Et Fabien, je crois qu'on vient de se réveiller dans notre pire cauchemar. Ah, c'est vrai? Ouais, un monde dans lequel Jordan Bardella est Premier ministre. Oh non, arrête. Non. Un monde dans lequel l'extrême droite arrive au pouvoir. Non, non. Décide des lois. Font des 49-3, font des... Putain, c'est juste un vilain cauchemar. Je sais que c'est pas possible. Non, c'est un vilain cauchemar, Fabien. Ne t'inquiète pas. Ça n'arrivera jamais. Voilà. Bref, voilà, bon épisode. Bah, allez voter dimanche. Allez voter. Moi, je voulais ajouter quelque chose avant qu'on lance cet épisode. Déjà, super pitch, Riley, bravo. Donc c'est un épisode qui s'appelle Nightmares, donc cauchemar. Hein, et vous allez le voir, c'est un épisode qui va commencer par un cauchemar, dans lequel le cauchemar a une place centrale. Et je voulais juste faire un petit point parce qu'en fait, c'est une thématique extrêmement importante dans toute la série Buffy, le cauchemar et les rêves en règle générale. Et là, c'est la première fois qu'on va être plein dedans. Il y a déjà eu dans l'épisode 4, Teacher Pets, on a eu un rêve de Xander hein, pour commencer l'épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans le tout premier épisode de la série aussi, juste après le générique, Buffy est en train de rêver. Et elle rêve d'ailleurs des monstres qu'elle va le croiser pendant cette saison. Voilà. Et vous le savez très bien, dans les autres saisons de la série, le rêve et les cauchemars vont avoir une importance très très forte. Pourquoi ? Parce que pour Whedon, ce côté la tueuse fait des rêves, c'était quelque chose de très important. Il l'avait d'ailleurs écrit dans son scénario de 1992 pour le film de 1992, ouais. Buffy le premier film. Rappelez-vous, dans ce film, la tueuse Buffy fait des rêves prémonitoires. Même là, c'est clairement dit. Toutes les tueuses, toute la lignée des tueuses font des rêves prémonitoires. Donc il n'a pas exactement gardé ça dans la série, mais régulièrement... Après, il va faire revenir les lignées de tueuses, tout ça. Il a redéveloppé cette idée au fur et à mesure de la série. Mais régulièrement, Buffy va avoir des rêves qui vont... La guider un peu. La guider et lui montrer ce que peut être le futur, notamment. Donc voilà, je voulais juste faire un petit point là-dessus. Le cauchemar, c'est une thématique très très importante dans Buffy, qui fait partie entièrement du concept. Mais là, ça va être le moment de lancer l'épisode, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'on a tout dit ? Est-ce que vous êtes prêts à commenter cet épisode ? On est prêts. Chez vous, vous êtes prêts ? Oui, oui, oui. Vous êtes munis. Putain, comment on fait ? De votre télécommande. De votre télécommande. Vous avez mis votre VHS dans le magnétoscope. Dans le magnétoscope. Je lance l'épisode dans 3, je vote pour le 2, Front Populaire, pour Philippe Poutou. 1. Top, c'est parti. Il y a dit top. L'épisode est parti. Et voilà, et on est en saison 1. On commence par une petite intro, vous savez, le Every Generation, qui nous raconte le concept de la série. Parce qu'en saison 1, on ne connaît pas encore très bien Buffy. Et donc, on a besoin d'être présenté, de la présenter. Et c'est pas la voix de Giles. Non, c'est pas la voix de Giles. On aura la voix de Giles en saison 2. C'est en VF que c'est la voix de Giles, par contre. Je m'abuse. Oui, dès le début, ouais. On arrive dans la grotte du Master. On fait un point coiffure. Point coiffure, Buffy a des couettes. Ça, c'est pas normal. C'est des nattes. Alors, pardon, ça peut. C'est des nattes, déjà. Mais déjà, c'est pas normal. C'est pas normal, malheureusement. D'accord. Buffy n'a jamais ce genre de coiffure. Elle a une coiffure de petite fille. Donc, pour moi, on n'est pas dans la réalité. Non. Tu vois, premier indice. On est dans un cauchemar. Elle est vulnérable. Et elle est vulnérable parce qu'on va le voir, cette coiffure libère. Sa nuque. Ta nuque. Oui. Voilà, et... Oh. Et ça annonce le thème parce que c'est. Elle est comme une petite fille et ça va être la rencontre avec son père dans cet épisode. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est vrai. Exactement. Putain, j'avais pas vu ça. Oh là là, c'est heureusement qu'on a des experts ce soir. Bravo. Voilà, donc Buffy. Donc elle est dans le repère du maître. Dans le repère du maître. Il la surprend. Il la surprend et surtout regardez Buffy. Elle a tous ses moyens. Ouais, il y a même un gros plan sur sa main. Qui lâche le pieu là. Elle est tétanisée par la peur et ça pareil, ça n'arrive jamais. On n'a jamais vu Buffy avoir peur d'un vampire, même si c'est le maître. Normalement, Buffy elle fait des blagues, elle leur met des pains et là elle est tétanisée. Ça va être aussi le thème de l'épisode. La peur te rend, vulnérable. Hein, comment tu dis ? Te paralyse. Ouais, te paralyse, exactement. Et c'est un vrai truc hein, qui arrive vraiment dans la réalité, le traumatisme qui te tétanise. Comme un lapin devant les phares d'une voiture, finalement. Tout à fait. Et voilà, ce n'était qu'un vilain cauchemar. Buffy est réveillée par sa maman qui lui dit il faut aller à l'école, tout ça. Et donc là, c'est très drôle parce que dans ce cauchemar, on a vu la pire peur de Buffy, qui est ce fameux maître dont elle entend parler, mais qu'elle n'a encore jamais croisé, ouais. Hein, d'ailleurs, ouais. Mais qui sera le big bad de la saison. Et là, elle enchaîne dans la réalité sur son pire cauchemar de jeune fille de parents divorcés, qui est de ne plus voir son père ou que son père ne veuille plus la voir. Ou même d'être responsable de la séparation de ses parents. Et voilà, il y a ça aussi. Et puis ils appuient déjà sur la différence entre son père et sa mère, parce que là c'est sa mère qui vient la réveiller d'un cauchemar, donc qui prend soin d'elle, alors que son père est nulle part. Ouais, mais tu vois, elle a hâte de le voir, le père de Nicolas. Oui, normal. C'est ce qu'elle explique. Elle explique ça à Willow. Elle dit que son petit papa, elle s'inquiète parce qu'elle la voit pas beaucoup, et surtout qu'elle a peur, comme tu dis, Fabien, d'être responsable. Mais voilà, t'es responsable de la séparation. Et surtout, on voit Willow dire que ses parents, eux, ils se disputent pas, mais ils ont pas l'air de beaucoup parler. Donc, est-ce que c'est pas mieux de se séparer si tu t'entends plus, plutôt que de rester et de faire des... Et c'est que dans la saison 1, cet arc avec le père, là, le père de Buffy qui est là-bas. Après, on le revoit, premier épisode de la saison 2 aussi. On le revoit, mais après, ils ont oublié cette histoire avec le père. Si, après, il part. Il part, mais on n'en parle quasiment plus, en fait. On en parle, il est parti avec sa secrétaire, en fait. En Espagne, je sais pas quoi. Il vient même pas. Un père, comment il vient même pas à l'enterrement de son ex-épouse. Parce qu'il y a aussi le fait que Jack va vraiment devenir la figure paternelle. Alors, remarque, t'es dans ma lumière, ça fait très. C'est Diogène, le philosophe qui a dit ça à Alexandre le Grand, normalement. Surtout, t'as le cauchemar est dans la lumière de Cordelia. Le cauchemar de Wendell est un peu prédit là, parce que Cordelia lui dit tu es dans ma lumière, et les araignées de Wendell sont mortes parce qu'elles sont restées exposées à la lumière trop longtemps. Ah mais oui, bien joué. Qu'est-ce que c'est bien écrit quand même. Ce mercato de dingue. Incroyable. Et là, l'active listening, je tape dans le micro, je suis génial. Désolé. En fait, je pense que ça annonce l'épisode suivant, avec celle qu'on ne voit pas, mais c'est un peu la même chose que l'audition et qui va disparaître. Et c'est très intéressant. Il n'y a pas de lien avec le reste de l'épisode de ce thème, alors que d'habitude, quand il y a un cours, ça renvoie directement. Et là, t'as raison. Peut-être c'était prévu pour l'épisode d'après ou un truc comme ça. Mais non, et surtout, ça nous dit beaucoup de choses sur le personnage de Xander qui passe comme très souvent pour un gros connard, parce qu'on lui explique que l'écoute active, c'est le fait d'écouter vraiment la personne, de s'intéresser à ce que dit la personne. Et on comprend que lui n'a absolument pas écouté et n'était intéressé que par la tenue vestimentaire de sa professeure. Voilà, on a toute la misogynie de Xander en saison 1 qui est très bien matérialisée. On va aussi voir tout le long de l'épisode que Xander, c'est quelqu'un qui a du mal à écouter. En fait, il va manquer d'empathie beaucoup à plusieurs reprises dans cet épisode. Et c'est grâce à Buffy, notamment, qu'il va commencer à écouter un peu mieux. C'est pour ça qu'à la fin de l'épisode, il dit qu'il faut qu'il se fasse soigner. J'avance sur la fin. Priorité au direct, il y a des araignées partout. C'est ignoble. J'adore cette scène. C'est un super jumpscare parce qu'on s'y attend pas du tout quand il ouvre le livre. Et l'acteur, là, on est d'accord, il panique pour de vrai. Il a des tarentules sur le visage. C'est des vraies tarentules, pas de 3D. Et surtout, la première fois que Buffy voit Billy, c'est un moment où sa professeure parle de l'écoute, justement, et des besoins primaires, dont l'écoute qui est très important et qui va démontrer qu'en fait, pour que Billy se libère, il va falloir qu'il soit écouté. Donc c'est un côté de libérer la parole des victimes qui doivent dire ce qui leur est arrivé, qui est assez ironique. Elle écoute pas le cours, Buffy. Moi, j'ai le côté prof, et là, franchement, non, c'est ça, elle est pas attentive. Dans cette première scène, tu as tout ce qui va être abordé dans l'épisode qui est déjà là. Billy, les cauchemars. Et puis cette scène, je trouve, dans mes souvenirs de l'époque, la première fois que j'ai vu, cette scène avec les araignées, tout, c'est vraiment un souvenir marquant de la série. Ils ont pris un cauchemar auquel beaucoup de personnes peuvent s'identifier, ça marche super bien. Les débuts d'épisode, ça se lance très très bien. D'ailleurs, les autres cauchemars seront moins violent après, souvent. Ouais. C'est vrai, peut-être, moins. Quoi que le clown qui te course dans les couloirs, celui peut-être. De Buffy et là, est bien et là il annonce le thème, évidemment, c'est la peur. La première phrase. Il explique ce qu'il va falloir comprendre. C'est ça, la première phrase post-générique, c'est comme quand même la phrase la plus importante. C'est comme Columbo, Buffy, on te dit la solution au début. Donc la phrase du maître, c'est « Fear is a wonderful thing », la peur est une chose merveilleuse. Et voilà, comme tu dis Fabien, c'est vraiment le thème de l'épisode, parce que pour lui c'est une chose merveilleuse, parce que pour lui c'est une arme, vu que c'est un méchant. C'est tout ce qu'il explique, il nous fait une sorte de masterclass sur la peur. Non. Le maître, si, il explique tout, parce qu'en c'est masterclass, c'est un banger sur la peur. Il fait un discours, il fait une discussion. Il y a son élève, Lightning One, rappelez-vous. C'est le master, masterclass, maître d'école. Qui donne la leçon au petit. C'est un banger cette scène. Et ils font un effort pour relier cet épisode, parce que ça pourrait vraiment être un épisode avec le méchant du jour et tout. Mais là, ils font vachement d'efforts pour vraiment le relier à Buffy. Et dans l'économie de la saison 1, c'est vraiment le moment où tout est perdu. C'est en scénario, il y a un moment où il y a le premier affrontement avec le méchant, et en général le héros se fait éclater. Ouais. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Oui, oui, oui, on va le voir quand elle va croiser le maître pour voilà, de vrai, elle entre va, guillemets. Elle va perdre. Elle va être encore une fois. Et là, c'est vraiment ça. Ouais. Et il lui faudra un épisode pour se remettre, le 11, et dans le 12, il y aura l'affrontement final. Mmh. Mais du coup, la saison 1 est aussi écrite presque comme un épisode complet, quoi. Ouais, et là, on a tout à fait, un vrai arc. Le schéma inverse d'un des premiers plans de Buffy, où on remonte. Et ça, le côté vertical, c'est très Buffy. On va voir qu'il se déplace très peu de façon horizontale. Ça, c'est une super idée de mise en scène. Ouais. C'est finalement la caméra entre la scène de la grotte et la scène là qui se passe devant le lycée. On a un panneau vertical qui part du bas d'une haie pour arriver. Donc, on part du bas vers le haut, de la grotte, des ténèbres à la lumière. C'est oui, parce que c'est la bouche de l'enfer. On remonte juste au-dessus. On sort de la bouche de l'enfer pour aller dans le monde humain. Et on retrouve Buffy qui ne parle pas du tout de vampire, qui parle encore une fois de son papa. Et puis ils font quand même encore des parallèles sur les figures parentales de Buffy, parce que là on voit que Joyce, elle essaye de comprendre ce qui lui arrive, elle lui pose des questions. Donc on voit qu'elle comprend que sa fille va pas bien, mais Buffy lui ment en lui disant qu'elle se rappelle pas de ses cauchemars et que tout va bien. Alors qu'on verra plus tard qu'elle parle, elle, à Giles, de tout ce qui lui arrive en fait. Bah, et Jay, c'est le papa, c'est le vrai papa. C'est sa vraie figure parentale. Une dernière chose qu'a évoqué le maître, c'est qu'il parlait de affronter sa peur. If I can face my fear, it cannot master me. Et si je fais face à ma peur, elle ne peut pas me contrôler, elle ne peut pas m'influencer. Et voilà, ça aussi, c'est très important. Il dit tout dans cette scène. Il dit ce qu'il faut faire. Il dit ce qu'il faut faire, c'est combattre sa peur, affronter sa peur, ne pas l'éviter. Et alors, bien sûr, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que c'est toujours très dur d'affronter ses peurs. Mais voilà, et il donne la solution à ce qu'il va faire. On l'a vu Xander parler de nazis, c'est un peu son obsession, et ça revient très souvent quand on regarde. Et il y aura d'ailleurs dans les cauchemars plus tard, ça lui fait très peur, effectivement. On a vu aussi comme en France aujourd'hui, par exemple. Ouais, voilà, c'est pour ça que l'épisode était choisi. Dans 15 jours, il y a des croix gammées dans vos lycées, les gars. Préparez-vous. On a vu aussi que c'était une saison 1 parce que c'est une saison où il n'y a pas beaucoup de budget, ils avaient vraisemblablement pas beaucoup de temps pour faire les plans ou peut-être pas assez de moyens techniques. Mais on a vu ce plan là dans le couloir entre Buffy, Xander et Willow n'était pas très stable. Parfois, le mouvement n'était pas très stable. Enfin, voilà, on sent qu'aussi qu'on est vraiment au début de la série. Ouais. Et on a hâte d'arriver en saison 2 avec plus de moyens quand même. Pour avoir des choses un peu là, plus. C'est propres. Le truc de Giles. Qu'est-ce qu'il faisait Giles derrière là? Il était dans ses bouquins. Il était perdu dans sa bibliothèque. Mais les gamins l'écoutent pas parce qu'ils ont pas fait l'écoute. Il est déjà en train de faire un cauchemar, tu penses? Je pense, ouais. It's funny if you're me, que dit Xander. C'est exactement ce que tu disais, Mallory. C'est vraiment le manque d'empathie. C'est drôle si on est moi. Ouais. Il arrive pas à se projeter dans une situation qu'il comprend pas en fait. C'est un ado de 16 ans, ouais, il s'en fout complètement. Il est comme ça toute la série, non? Non, ça c'est pas vrai. Sa gueule direct. Il grandit un petit peu. Mais dans l'épisode, il progresse pas beaucoup. Dans la saison 1, il progresse pas. On est déjà à l'épisode 10. Il est toujours pareil. L'épisode 1, il est pourri. Alors qu'il est devenu une hyène, tout, il s'est passé plein de trucs, il est toujours pareil, quoi. Là, il fait quand même une blague géniale. Je sais pas, c'est un jeu de mots génial où Wendell parle des arachnides. Mm. Donc en anglais, c'est arachnide. Et lui, il dit from the Middle East parce qu'il confond arachnide et irakien. Moi, je trouve ça à chier de rire. Et surtout, la blague est d'autant plus drôle qu'elle n'est pas relevée. Il y a juste un coup d'œil. Il y a le gif hyper connu avec Buffy la sucette. C'est relevé, mais l'air de dire que t'es pas drôle, quoi. C'est un peu toute la hantise de Xander de ne pas faire rire les gens, justement. Et la conversation continue, moi je trouve ça formidable. Je trouve ça une super blague. Et du coup, on fait une enquête parce que Buffy c'est aussi une série policière, hein, ça je le dis souvent. Oui, mais saison 1 c'est très comme ça en plus. Dans les saisons 1, voilà, il y a un événement, on va enquêter. Et donc les enquêtes c'est des interrogatoires, on recherche des indices, on fouille. Et là ça commence par. Et là il y a Cordelia qui va lancer l'action et qui fait un peu le pass vers l'autre monde, les rêves. C'est parce que Buffy n'est pas encore vraiment rentrée dedans, c'était pas son rêve à elle. Et elle va y rentrer. En lui disant, elle lui dit. Il y a un examen d'histoire, t'es pas au courant, voilà. Il faut y aller. C'est allez, déjà go. Le cauchemar là, c'est parti. Sachant que Buffy déteste l'histoire. Elle est déjà pétrifiée. On l'a déjà dit plein de fois. Elle entend l'histoire déjà. On voit aussi la complexité de Cordelia qui est quand même une bonne élève. C'est pas juste la fille superficielle. Ouais. Et puis elle va attendre Buffy pour lui montrer où est la salle. Plutôt qu'elle respecte les règles et le règlement, ou s'il y a un examen. Ouais, c'est quand même une bonne élève, quoi. Cordelia. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que Cordelia arrive au moment où Wendell dit les araignées, je les aime, mais elle les aime pas. Ouais. Et ce personnage que nous on adore, mais que les persos n'aiment pas. Voilà, apparaît à ce moment-là, et je trouve ça un bon timing. Et puis là, du coup, pour une fois, Xander et Willow, ils offrent à Wendell de l'écoute, qui est un des besoins qui doit être comblé pour réussir à libérer enfin faire en sorte qu'on se sente exister quoi. Ouais ouais, et ça ouais, on le verra, c'est très important, c'est il faut écouter le petit Billy, c'est ce qu'on va comprendre beaucoup plus tard dans l'épisode, il faut parler de, des traumatismes. Et même, bah, pas que Billy, aussi tout le monde, il faut aussi exprimer ses traumas, ses peurs pour les combattre. Et là, alors, cette scène, c'est le début d'une scène que je trouve formidable, parce qu'avec très très peu de moyens, donc on a dit en saison 1, très peu de moyens. Et Buffy et Cordelia qui sont qui discutent dans le couloir. Ouais, et elle, elle va rentrer en, en contrôle de, d'histoire, et avec très très peu de moyens, juste des bons choix de cadre et des comment dire aussi. L'ambiance, ouais, des, l'ambiance des étrange. Scène, même ouais. Au début, il y avait de la fille. Tout le temps du point de vue, on revient tout le temps sur son regard. Ouais. Et la tête du prof, il a une tête de tueur. Il en série. Tueur, ouais, mais il y a un gros plan sur sa gueule, c'est ce que j'ai écrit dans le conducteur. Je m'étonne qu'elle aime pas l'histoire. Et même avant qu'elle rentre dans la salle, il y avait de la figuration qui passait devant entre elle et la caméra pour donner cette impression de Buffy est désorientée alors que tout le monde autour d'elle sait où elle est. Il y a plein d'inserts avec plein d'objets, il y a l'horloge du coup, elle se rend compte que là, le temps est passé super vite, voilà. Le temps est traqué. Et c'est un problème, le temps, ces sautements dans le temps comme ça qu'elle va retrouver dans la saison 6 avec le trio qui vont jouer comme ça avec le temps pour la déstabiliser. C'est vrai, ouais, t'as raison. Quelque chose qui l'a quelque chose qu'on avait commenté. Life serial. C'est voilà et dans ce je vois bien la scène dont tu parles où il y avait des effets spéciaux pour marquer les déplacements temporels. Ouais. Et là c'est vraiment avec des moyens très très simples, très très basiques, on a créé l'illusion vraiment de et là on est dans un cauchemar, on a vraiment l'impression que Buffy est dans un cauchemar. Au niveau du son, il y a déjà un travail sur le son, il y a le stylo qui tape, l'irréalité. Après il y a plein c'est une ambiance sonore, après la musique de cet épisode, c'est pas encore Christophe Beck. Non, elle est terrible, c'est vrai qu'il y a des moments ça sonne années 80, série B de ouf, ça fait très moche. Ah ouais, dans les combats, mais on voit chaque fois c'est loin Billy d'être une masterclass. Parce que Christophe Beck, il arrive que en saison 2. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que la musique, à chaque fois qu'il arrive, qu'il s'excuse dès qu'il se passe quelque chose, alors que c'est lui la victime dans l'histoire. C'est ça qui est assez marrant, entre guillemets. C'est lui aussi la cause de tous les problèmes. C'est pour ça qu'il s'excuse. C'est hyper intéressant de voir que c'est lui qui s'excuse alors que. Bah ouais, c'est comme, lui qui doit être aidé. Comme les victimes souvent, enfin les victimes. Ce peuple. Ouais, qui se sentent coupables. Les victimes se sentent coupables des agressions qu'elles subissent et voilà. Et c'est peut-être aussi ce que vit Billy. On le retrouvera avec ce personnage d'ailleurs parce que. On est dans la cave, priorité directe. Là, ils vont jamais. Une fumeuse. Ouais. Mon Dieu, une fumeuse. C'est non, mais ils vont jamais l'accuser de quoi que ce soit. Ouais. Le montage s'en occupe en disant fumais-tu. Oui, ça finit par le truc après. Mais et là, on voit que le monstre. Moi, j'ai regardé Freddy pour préparer ça. Bah, bien sûr. Et c'est complètement Freddy. C'est-à-dire, il a aussi le visage déformé et tout. D'ailleurs, c'est un double du maître aussi dans cette histoire. Il ressemble vachement. Même plus le maître que Freddy, finalement, parce que Freddy il est assez fin, il est bariolé, tu vois. Il y a le visage, puis il y a la main, il y a une seule main, la main droite, qui là est remplacée par une batte. Donc, et Freddy, c'est des griffes. Hein, mais totalement, Freddy, c'est fan de Freddy. C'est sûr, le film, moi je l'avais pas vu. Et il y a plein de plans qui sont exactement les mêmes. La descente dans la cave, la chaufferie. Exactement, il y a tous ces liens. Non, mais exactement, j'avais prévu d'en parler. Nightmare on Elm Street, toute la saga est clairement influée. Et ce méchant de Freddy est une influence qui attaque les gens dans les rêves. Est une influence très très claire de cet épisode. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup sur la saison. C'est très justement série B, esprit de tous ces films-là des années 80, début 90, dont Freddy. Donc c'est vraiment un vrai épisode hommage finalement. Ça va très très vite. Bah, du coup, tant qu'on est là à parler des monstres, il y aura aussi plus tard un autre monstre très emblématique qui va apparaître. C'est le Pennywise de It de Stephen King qui va effrayer Xander. Donc voilà, c'est ces deux personnages de monstres qui attaquent des enfants et parfois dans leurs rêves, même souvent dans leurs rêves. Les ados, ouais. Sont vraiment les références, les modèles de cet épisode. Mais priorité directe, oui, donc la pauvre Laura a été agressée dans la cave par le monstre dont on parlait. Et là, c'est intéressant parce que donc on est dans un hôpital. Là, on est dans une scène très réaliste. Et c'est aussi tout l'intérêt de la série Buffy, c'est que elle utilise des moyens fantastiques pour parler de la vraie vie. Et là, c'est exactement ces deux scènes là. Et après, avec le docteur qui va parler de Billy, on a des exemples de un enfant et une adolescente qui se sont fait agresser dans la vraie vie par des vraies personnes. Et on nous parle vraiment de la réalité. Et c'est aussi ça dont parle la série, que les victimes d'agression, c'est pas évident, on le voit, Laura n'arrive pas à parler de son agression, on n'arrive pas à le dire tellement ça l'a traumatisée. Elle y arrive parce qu'ils insistent pas trop, justement. Oui, mais oui, voilà, ils sont respectueux. Parce qu'ils écoutent en fait au lieu Il faut finir par. Il faut dire les choses pour les évacuer. Ouais. C'est un modèle de Buffy, ce que ça peut vraiment être. C'est classique Buffy, quand tu veux montrer à Buffy et à quelqu'un Buffy ce que ça peut être, tu peux lui montrer cet épisode. Et le méchant, vraiment toute une construction classique. C'est lui. Et oui, l'entraîneur à la fin. C'est lui. Personne horrible. Oui, on va le voir à la fin. C'est un mec vraiment détestable, une horrible personne. Là, je voulais vous parler du comédien qui joue le docteur. Là, il est assez génial. Il s'appelle Dom McWhirley. C'est-à-dire que si tu regardes sa filmo, il joue que des docteurs. Il joue que des docteurs. Ah ouais. Que des petits rôles dans des séries. Dans, il y a une tête de docteur. Enquête à Palm Springs, dans Le Rebelle, dans plein de choses comme ça. Dans Urgence, évidemment. Il a joué un docteur. Et non, mais ce Dom, en plus, surtout, il est surtout connu en tant que producteur de nanars. Il a produit des gros nanars bien dégueulasses dans les années 2000. Après Buffy, ouais. Et voilà, d'accord. Je trouve que c'est une belle carrière, parce que docteur dans les séries télé et producteur de nanar, faut bien bosser. Après, sur un CV, c'est quand même assez cool. Les cauchemars prennent de l'ampleur. Là, il y a un macho qui se fait un macho rebelle veste en cuir. You cute little rascal. Sa mère qui vient me chercher à l'école. C'est quand même génial. Ouais, il y a des moments de comédie dans l'épisode qui font du bien, parce que tout ce qui va concerner Cordelia aussi, c'est assez marrant. Drôle, ouais. Et c'est ça qui donne l'impression que l'épisode n'est pas forcément hyper construit, parce qu'on part dans plein de sens. Là, voilà, oui. On va avoir les cauchemars des différents personnages qui vont servir à les caractériser. Mais en même temps, on rend compte qu'il n'y a pas un mot qui sert à rien. Quoi, Parce que là, on voit que Xander est à poil dans la classe. Ça va à une vitesse folle. Les gens le voient et se moquent de lui. Et puis c'est d'être exposé aussi. D'être exposé au regard des aux autres, il n'y arrive pas. C'est du coup, il fait des blagues. Et puis c'est typique des cauchemars de l'adolescence, justement. Oui, là, se retrouver tout nu devant sa classe, c'est... Mais on a déjà tous le moment où elle capte les pensées, Buffy, il y a aussi, ça sert à caractériser chaque personnage, c'est très bien fait. Tout à fait, ouais. Mais voilà, ouais, cet épisode, on voit plein de choses différentes, plein de cauchemars de différents personnages, et ça donne une épaisseur folle à cet épisode. Là, il est commencé depuis 18 minutes, il s'est déjà passé un milliard de trucs, on a vu plusieurs cauchemars. Et là, il y avait un plan génial encore sur la mise en scène, parce que Giles, lui, son pire cauchemar, c'est de ne plus savoir lire. Du coup, ça commençait avec Giles un peu en plongée, au milieu de plein de bouquins. Et noyé par les journaux. Voilà. La mise en scène accompagne bien le fond. Il y a Julie Palmer et c'était une Laura tout à l'heure, mais la série elle date d'après, non? À Twin Peaks. Ah oui, non, c'était avant. Oui, mais c'est excellent. Oui, c'est Twin Peaks, c'est Billy Palmer. 92. Je viens d'y penser là. Ouais, non, c'est ça, t'as raison. Oui, si Laura et Billy Palmer. Et Laura, les deux victimes. Ah bah. C'est Laura Palmer. Ah, tu crois que c'est un. Je viens de le voir là. Palmer. C'est sûr. Pourquoi t'appelles Billy Palmer et tu mets. Le président de 24 s'appelle Palmer, ça n'a rien à voir avec Twin Peaks. Oui, mais là, il y a Laura Palmer. Mais oui, mais là, on est dans une série. Ouais, mais là, Laura, c'est un autre personnage. Bref. Moi, j'y crois. C'est deux victimes. Moi j'y crois, j'y crois à fond. Possible, on demandera à Joss quand il passera sur Mario. Et là où on voit que c'est plutôt le début de la série, c'est qu'il n'y a pas encore le vocabulaire. Il y a juste là, elle dit Knowledge Girl, qui est une expression très, très Buffy. Mais sinon, il n'y a pas encore vraiment le vocabulaire Buffy, la langue Buffy, le Buffy slang. C'est vrai. C'est en construction. Ça reste la saison 1 et les fans ne sont pas. Il y a très peu de fans de la saison, finalement. Oui, puis c'est pas écrit par Whedon, cet épisode-là. Et là, après, Whedon, il surveille tout. Mais Là, il se passe un truc intéressant, c'est que je trouve que Giles et Buffy sont sur une piste, commencent à éplucher les journaux et commencent à parler de projection astrale de Billy et tout. Et comme si le monde des cauchemars voulait se défendre, hop, c'est à ce moment-là qu'apparaît Hank, donc le papa de Buffy, pour, vous allez voir... Et qui est habillé quasiment comme Giles. C'est ça, ouais, c'est génial, quand même. Et tu sens que Jack, il est un peu mal à l'aise à l'idée de rencontrer le papa de Buffy. C'est vrai qu'ils sont fringués, pareil. Et ouais, et Hank, il va faire quelque chose de vraiment pas cool envers Buffy. Donc, ultra violent. Comme si le monde du cauchemar savait qu'il était en danger. Ah, on va essayer d'atteindre la tueuse pour qu'elle arrête son enquête et nous laisse tranquille. Encore une fois, c'est la pire scène. Ah, c'est la scène la plus horrible. Elle vit le cauchemar de tous les enfants de parents divorcés. Elle s'est rejetée par son père. C'est ça. Voilà, son père va lui dire que tu es la raison de notre divorce, et puis t'es pas une fille super intelligente, une déception, quoi. Et j'ai plus envie de te voir, quoi. Enfin, c'est un la totale, c'est monstrueux. Et ça fait un parallèle avec ce qu'elle ressent par rapport au fait qu'elle est une tueuse, qu'elle a peur que ça l'éloigne des gens et elle peut pas leur dire la vérité. Et je pense que ça vient là, parler c'est à ça fou, aussi. Ouais. C'est, et c'est tourné la saison 1, ils ont tourné vite, c'est ça. Ouais. Saison 1, il n'y a pas de pognon, il y a un plan flou sur un truc super important, quoi. On est déçus. Mais oui, mais ça n'empêche pas que la scène est très forte. Mais je pense qu'ils l'ont gardé à cause de l'actrice. Je pense qu'ils n'ont pas le choix, peut-être. Peut-être qu'ils n'avaient pas le choix, ou alors c'était vraiment la meilleure prise. Ils ont dit, c'est pas grave, regarde, ça va passer vite. Si tu mets un plan comme ça dans ton montage... Je pense pas qu'elle ait pu faire 250 prises comme ça, parce que ça doit être un peu éprouvant. Ouais, enfin, c'est le rythme, hein. Les acteurs, ils le disaient, ils sont 18 heures par jour. Mais c'est comme l'épisode de la mort de la mère de Buffy, c'est vraiment les moments où il n'y a rien, quoi, ou qui sont vraiment les plus horribles, finalement. Presque on est soulagé quand il y a un monstre qui arrive, on se dit ça. On va pouvoir lui taper dessus, ça va aller mieux, quoi. Et encore, elle va se faire défoncer, la Buffy. Et du coup, c'est impossible de. Enfin, je sais pas vous, mais moi, j'ai impossible de l'apprécier. Après, le père, quand il repasse, on se dit non, mais. Même quand tu sais que c'est pas lui. Avec tout ce que t'as dit, c'est pas possible que tu sois à la fin de l'épisode, tu veux dire. Bah, même à la fin, même quand il revient au début. Après, quand il revient, en plus, on l'oublie, le père. Mais en fait, effectivement, sa scène la plus importante, c'est celle-là. Ah bah oui, parce qu'après, c'est des bouts de scène, il y a début de When She Was Bad, où il y a avec les chaussures. On le verra jamais autant que maintenant. Oui, mais c'est ça. C'est effectivement, quand tu penses à Hank Summers, tu penses à cette fin de la saison 5, quand elle se. Elle est propulsée dans son monde. Normal Logan. De nouveau, avec un peu les. Normal Logan, là, il est un peu sympa, ouais. Et puis c'est là qu'on comprend. Parce qu'elle voit Billy, là, donc elle comprend, en fait, ici, que c'est un cauchemar, ce qu'elle est en train de vivre, mais. Elle a déjà, enfin, c'est pour montrer un peu le poids des mots aussi. Elle les a entendus, les mots de la bouche de son père. Elle a beau savoir que c'était sûrement un cauchemar, ça change rien. Le mal est déjà fait, quoi. Mais là, elle est pas en état d'aller le voir, Billy, justement. Ouais. Elle le voit, mais elle réagit pas. Oui, c'est pas. Ça. Ouais. Et alors, le fait qu'il ait le truc de l'école, enfin de l'équipe. Sander, le t-shirt de Sunnydale. Ça, c'est tout le thème en fait de l'épisode. Enfin, encore un sous-thème de l'épisode, c'est le sport. Ah oui. Donc il y a des vengeances de geeks quand même parce que les auteurs sont à mon avis des geeks. Ils se vengent contre la fille populaire qu'on va voir après, hein. Et donc, ils se vengent aussi contre tout ce qui est sportif, c'est-à-dire que le sport là-dedans, c'est vraiment la violence, la compétition. Et ça reviendra dans la série en plus. Oui, ça revient. C'est, ouais, c'est on l'a déjà lu avec The Pack. Ouais, bien sûr. Déjà, l'autre qui ils font de la balle aux prisonniers. Ouais. J'aime bien, c'est brutal. Et là, on est sur la même ligne. Et voilà, parce que dans cette série, on défend, l'intellect, les recherches, les livres et tout. Et c'est la personne la plus intelligente dans cette pièce, qui est Willow, évidemment, qui va dire « Well, yes, Xander, it's a nightmare !» Enfin, quelqu'un qui comprend que le problème, ce sont les cauchemars. Elle fait le lien entre ce qui arrive et les cauchemars des personnes. Xander s'est retrouvé à poil dans sa classe, c'était son pire cauchemar. Moi, j'adore la blague de Xander. Mais oui, c'est plus court que d'habitude. C'est Billy, voyons. Qui est Billy? Et là, je crois qu'on a passé le moment, mais ça annonce l'épisode comédie musicale. Un peu, Où ils disent, mais non, c'est pas nos rêves, sinon on serait en train de chanter à Broadway. Exactement. Ouais. Et dans l'épisode comédie musicale, il y aura une référence à cet épisode aussi. Oui, pourquoi est-ce qu'elles ont tant de pattes? À quoi ça leur sert? Willow dit, c'est peut-être un petit garçon qui est en train de rêver quand ils sont en train de se demander ce qui se passe. Il y a encore ce que fait beaucoup Buffy de désamorcer des propos très graves avec des scènes comiques où Giles dit, tout le monde va affronter ses pires cauchemars. Et là, on voit Cordélia, son pire cauchemar, c'est d'être mal coiffé. En vrai, je pensais surtout de ne pas contrôler son image et de ne pas contrôler ce que les gens voient d'elle. Ouais, parce qu'elle est sympa, cette coupe de cheveux, mais elle n'a pas l'air de l'apprécier. C'est trop compliqué pour elle. Un peu dur à coiffer. Un peu dur à coiffer. Et l'actrice est très bien, parce que vraiment... Elle est géniale. On adore Cordélia. On voit les clips avec les maillots, donc c'est vraiment fait exprès. Quoi. On retrouve tout. Et en gros, dès qu'on voit des équipements sportifs dans la saison 1, c'est pour des trucs de violence. Il y a un cadavre, on se tape dessus, on abuse de ses privilèges, tout ça. Un petit vécu. Et voilà, et Buffy. Elle rencontre avec Billy. Ouais, elle ne peut même pas déprimer tranquillement. Hein, sa mission de tueuse la rattrape. Elle doit s'occuper du petit Billy. Et voilà, Rio Billy Palmer, voilà, elle discute. Et donc, dans ce gymnase, hein, comme tu dis, équipement sportif. Donc là, elle va comprendre que Billy est une victime et qu'il faut affronter sa peur. Mais Billy n'est pas capable. Et d'ailleurs, on va voir que Buffy n'est pas capable. Il ne sera pas capable non plus. Ah non, il est trop fort pour l'instant. Mais on arrive au mieux. Pareil, au niveau scénario, c'est le milieu. Ouais, ouais. Et c'est le moment où on pense avoir... ça y est, elle l'atteint enfin Billy, elle pense que c'est bon. Il va falloir discuter et ça va aller. Et là, paf, non. Et fausse victoire, c'est la moitié d'épisode, c'est souvent comme ça. On est seulement à la fin de l'acte 2. Hein, vous rappelez, les épisodes de Buffy sont construits en 4 actes. Et à chaque fin d'acte, c'est mieux de finir par un petit cliffhanger hein, pour que les gens reviennent, ne zappent pas pendant la pub. Et là, c'est exactement ce qui va se passer. Il y a un gros truc qui va arriver, hein, je vous spoil pas. Et l'acte va s'arrêter. Bim, paf, voilà. Bim, assommé. Bim, assommé. Et mort symbolique. Ça, tout est là. Voilà. Et ça reprend direct. Et là, on va voir Buffy s'est fait éclater la baston. Là, à la télé américaine, il s'est passé 7 minutes de pub. Là, 7 minutes, non, 15 minutes. Au moins 5. Ouais. Donc, c'était important de finir sur un cliffhanger pour. Bien sûr, évidemment. Pour qu'il revienne après la pub, quoi. Et là, d'ailleurs, elle va être blessée. Hein. On voit qu'elle boite un peu. D'ailleurs, il y a un moment, elle oublie un peu de boiter quand elle sort de la pièce. Oui, c'est juste le plan boite après. C'est juste. Ah, elle fait trois pas sans boiter, puis après elle reboite un peu. Ils ont tourné 6 jours d'écart, c'est trop. Ouais, elle boite là, c'est vrai. Et oui, oui. Ah, plan génial, regardez, plan génial, qui commence. On le savait pas, c'est derrière le hublot. Hop, ça passe, la caméra passe. Ça passe, ouais. Tout le monde s'échappe, et hop, gros zoom sur Willow qui est toute seule. Pff, puis là, génial, c'est les films d'horreur aussi. C'est-à-dire, c'est totalement séparé. Ils n'ont pas fait la même chose avec Cabin in the Woods. Ouais, ouais. On devrait se séparer, ce sera assez plus mais prudent. Non, c'est débile. En fait, c'est typiquement les plans aussi de films qui n'ont pas de budget. Enfin, qui tournent des plans séquences comme ça. Bon, évite d'aider ça. Et non, mais ce qui est important, parce que pendant tout ce deuxième acte, Giles, Buffy, Willow et Xander sont donc séparés grâce à ce plan qu'on a vu où tout le monde se sépare et chacun vont vivre son propre cauchemar de son côté. Et Cordélia qui se fait amener de force au club d'échecs. Ah, et on a aussi Cordélia. Ah, moi c'est non, affreux, c'est affreux ce club d'échecs. C'est trop. Et petit sourire quand même, elle est contente, Willow. Ouais, c'est la satisfaction du geek, ouais. Et le fait que chaque personnage ait son propre cauchemar. Ça va pas sourire longtemps. Son propre cauchemar en montage parallèle, ça va donner un rythme de dingue à cet épisode. C'est ça, c'est qui est génial. Tout est découpé, ce qui fait que ça y a un rythme très très enlevé. Et en même temps, ça cache la construction. C'est-à-dire, on voit pas comment l'action monte, comment elle est construite. On a l'impression que c'est fait un peu à la va comme je te pousse, mais c'est très très bien structuré, quoi. Et ça a été annoncé aussi par l'épisode précédent. Puisqu'on a vu que la dernière scène de l'épisode précédent, si je me souviens bien, avec la marionnette, ils jouent sur scène tous les trois, le trio, une scène de Sophocle, et Willow s'enfuit. Oui. Parce qu'une des grandes peurs de Willow, c'est la scène, c'est le regard des gens posé sur elle. Et là, on va le voir, donc voilà, c'est découpé. La fameuse croix gammée. On y est, c'est Jordan Bardella. Pendant ce temps, il est là. Cauchemars. Dans vos campagnes. Déguisé en clown, t'imagines, Laura? Il est partout. Déguisé en clown. Bah, c'est lui d'ailleurs qui joue le clown. Et là, ce qui est très marrant, c'est que Xander va se faire avoir par sa propre bêtise. C'est lui qui va aller de lui-même en mangeant ses petites friandises. Ça, c'est très conte, non? Il ramasse les chocolats. C'est vraiment un gamin, quoi. C'est vraiment un enfant, juste dans cette scène. C'est celui qui est du côté des appétits. L'appétit sexuel, puisqu'il regardait les formes de la prof. L'appétit mais après, ça va être renversé, puisque c'est lui qui apporte à bouffer au groupe. Ouais. C'est lui qui apporte les donuts et tout ça. Donc il va en faire une force. Voilà, c'est ça. Et moi, ce que j'aime bien dans cette scène, c'est qu'il y a des croix gammées, il y a des barres chocolatées par terre, il y a des espèces de bâches de je sais pas quoi, de peintres en bâtiment sur les murs. Il y a un côté totalement absurde. Et parce que les cauchemars sont aussi très souvent absurdes. Et ça, c'est bien retranscrit. Ils n'ont pas de géographie précise. Donc tu passes d'un couloir à un autre. Le jeu sur le grillage est très, très intéressant, c'est assez facile. Mais voilà, là on nous filme Buffy et Billy derrière un grillage. Voilà, là ils sont enfermés, ils sont dans le cauchemar. Ils sont encore prisonniers de leur cauchemar. Billy a dit qu'il fallait se cacher et qu'après le monstre venait. Billy dit qu'il faut pas affronter le monstre, il faut juste se cacher et le monstre arrive. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils sont enfermés, donc ils se cachent de temps en temps, mais le monstre finit toujours par arriver. Et là, très clairement, ils sont cachés, ils sont, comment dire, emprisonnés par la grille d'un côté, par la haie de l'autre. Et dans un autre sens, il y a le monstre qui va pas tarder à arriver, donc ils vont être obligés de même traverser la haie. Donc Buffy est vraiment prise au piège pour l'instant, ils sont ne sachant que faire. Parce qu'en plus, il vient de défoncer un mec devant. Il y a un mec allongé, on n'a pas vu. Mais... C'est ce que j'allais dire, il n'y a pas vraiment de victime, il n'y a pas de mort tellement dans cet épisode. Non, que des gens assommés. Il y a des alors que quand il est prolongé, après on peut se poser des questions. Il y a même des sortes de zombies en fait dans l'hôpital plus tard. C'est des trucs de fou. Ouais. Et là, on voit que l'espace, encore une fois, l'espace horizontal, tout est mêlé comme le temps tout à l'heure, et on peut passer d'un endroit à un autre. Et ça, évidemment, on le retrouve. Bah, vous le savez. Voilà, hein, pour le coup, on rêve de Willow. Fin de la saison 4. Oui, parce qu'on est passé de l'extérieur du lycée de jour. Il traverse la haie et bim, on est dans le noir, dans la nuit, dans un cimetière. Et pareil, Willow rentre à la cave, elle se retrouve dans les coulisses de Broadway. Elle est à Broadway. L'épisode qui va utiliser ces mécanismes, c'est le dernier de la saison 4. On va passer de décor en décor qui parle des cauchemars aussi. Et alors, ça, je suis allé regarder ce qu'elle chante sur scène. Ouais. C'est un extrait donc, de Madame Butterfly. Alors, l'histoire, il n'y a pas de. C'est ce que tu voulais dire, mais. On voulait tous le dire, vas-y, Fabien. Mais c'est surtout ce qu'elle doit chanter, en fait, ce qu'elle oublie. Je suis allé regarder ce qu'elle est censée chanter à ce moment-là. Ouais. Et dans les paroles, il y a « Je suis la reine de la lune ». Et je pense qu'ils ont fait exprès de couper à cet endroit-là. Et alors, non, parce qu'il y a autre chose. Ça annonce son côté lunaire et sorcière et tout ça. Ah, il y a autre chose, parce que Mallory, ici même, parle couramment l'italien. Évidemment, elle a traduit ce que chante Aldo, la première phrase que dit Aldo. Et qu'est-ce qu'il raconte, Aldo ? Aldo, il chante, il dit « Petite fille par lesquelles, dont les yeux brillent de magie ». Donc, c'est un encore le truc. Donc, la magie, ouais, est présente. On n'a pas dit, donc, c'est l'opéra « Madame Butterfly » de Puccini. Puccini, ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que j'ai pas dit, le plan du public, voilà celui-là, c'est exactement le même, c'est le même plan que dans Puppet Show, l'épisode précédent. Ils ont recyclé le plan. C'est le même public, en fait, c'est le même public, le même cadre. Une sorte de plan. À une différence près, c'est que dans l'épisode de Puppet Show, il y avait Snyder qui partait. C'est vrai, qui n'est pas dans cet épisode. Le proviseur qui était spectateur, et là, ils l'ont enlevé parce que là, la scène est censée se passer, on sait pas trop, peut-être à New York, dans un grand théâtre, un grand opéra. Et du coup, ils ont juste enlevé Snyder. Mais c'est exactement les mêmes figurants, mis au même endroit et le même cadre. Et là, c'est le vulgarité au direct. Ah là là! Il est horrible. Il est horrible. On est à fond dans le. Non, ça fait peur, ça. Ouais. Et puis, il est complètement Pennywise, il fait très très peur. Ok, donc Butterfly, ça en a fait. Petite fille aux œufs de magie, très bien. Et Reine de la Lune. Et si c'est. Vous allez de quoi Madame Butterfly? Ça veut dire qu'elle est pas prête. Le scénario de Madame Butterfly. Ouais, je suis allé regarder, moi, mais je le savais pas. C'est pas un opéra que je connais. Ça a l'air génial, ouais. Ouais, c'est le soldat américain qui va au Japon, qui tombe amoureux d'une mineure. On adore. Qui Madame Butterfly. Et qui l'abandonne après lui avoir. Et après, il l'abandonne, et parce qu'elle elle abandonne sa religion, elle renie sa religion. Bref. C'est un super opéra. Mais est-ce que ça dénoncerait pas un petit peu? Et à la fin, elle meurt. Alors peut-être ça dénonce. C'est vraiment sympa, de bout en bout. Moi, j'ai jamais vu. Pendant ce temps, dans le cimetière, là, le maître rencontre pour de vrai la tueuse. Pour la première fois. Parce qu'il le dit, le maître, il dit « So, this is the slayer ». Alors, c'est toi, la tueuse. Parce que finalement, là, ce qu'on avait vu jusqu'à présent, ce qu'on a vu avant dans la séquence teaser, c'était un vrai rêve. Là, c'est un faux rêve dans le sens où c'est vraiment le maître qui rencontre vraiment la tueuse. Bon, sauf que c'est un peu un cauchemar malgré tout, parce qu'il va l'enterrer vivante et que Buffy, encore une fois tétanisé par sa peur, ne peut réagir. Et, et il faut savoir qu'être enterré vivante, c'est un des pires cauchemars de Sarah. Elle a dit, elle voulait pas tourner la scène. Il lui avait promis qu'elle ne le referait plus, et elle a dû le refaire pour le début de la saison 6. Et en fait, c'est vraiment pas. D'ailleurs, elle le fait très bien. Elle a l'air d'avoir vraiment peur. Apparemment, elle l'avait dit à quelqu'un de la production qu'elle voulait pas faire ces scènes en voyant le scénario. Elle dit, moi je vais pas le faire, moi c'est une phobie que j'ai et tout. Et le message a été perdu, apparemment. Et elle a été obligée de le faire. Donc c'est. Mais c'est drôle parce qu'on parle des 5 épisodes qui parlent des traumas et tout. Ouais. Et là, ils ont fait vivre, alors consciemment ou inconsciemment, l'équipe a fait vivre une expérience traumatique à Sarah Michelle Gellar. Donc c'est un peu c'est chaud, quand même. Triste, mais intéressant à suivre. Alors c'est génial, tout le monde a peur. Ouais, le clown est extrêmement costumé quasiment. Tout le monde, hein. Oui. Il y a deux personnages sur trois qui sont costumés, plus c'est le clown. Vrai. Et là, Alex va changer d'avis et comprendre. Bon, bah, j'en ai marre en fait, je suis plus un gamin. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est le premier Xander à affronter sa peur. Exactement. En fait. Exactement. Il fait ce qu'on demande au personnage de faire depuis le début et que personne n'a osé faire. Tout le monde sait faire une girafe. C'est intelligent, mais. Ça, c'est le premier à prendre son courage à deux mains. C'est un des personnages les plus courageux, tout simplement. Alors, les plus courageux ou les plus naïfs et. Les plus simples. Et plus simples. Ça l'empêche pas d'être courageux, comme Sangoku. Oui, mais je veux dire, le fait de sa naïveté et son manque d'intelligence lui fait qu'il voit pas les conséquences de ses actes. Et il peut plus facilement affronter ses peurs. C'est un traumatisme qu'il a. C'est un traumatisme de son enfance. C'est au-delà de juste là, il a peur. C'est qu'il s'arrête, il affronte son traumatisme et il lui dit c'est bon, t'es juste un clown, quoi. Et je te défonce. Toujours envie de dénigrer Xander. Hein. Et là, il y a un jeu sur le point de vue, parce qu'on avait vu le point de vue de Buffy qui passe à travers la haie et qui comprend pas vraiment ce qui s'est passé. Et là, on voit un effet spécial, le portail qui est moisi, mais on a l'explication de l'extérieur en disant mais ça y est. Et là aussi, c'est typique de Buffy, ce mélange des espaces. Ouais. Mais alors, pourquoi justifier là à ce moment-là? Pour justifier qu'on est dans le rêve de quelqu'un d'autre, peut-être. Ouais, c'est ça. Passage du portail qui n'était pas forcément obligatoire. Hein. Quand Buffy dit je vais patrouiller, le plan d'après, on la voit dans le cimetière. Ouais, bien sûr, mais il n'y a jamais de. De transition, bien sûr. Là, on a quand même une très belle scène avec un très beau discours de Giles qui vit le pire cauchemar de tous les parents, je pense, qui est de perdre son enfant. Et cette scène est très très belle. Et qui dit exactement l'inverse du père de Buffy tout à l'heure. Oui, il était tellement doué, le mal était si grand, donc c'est pas de ta faute. Et il fait d'ailleurs un geste. Le père, en partant, il lui tapait sur la cuisse, vraiment. Et lui, il pose la main dessus. Bah, on voit que le pire cauchemar de Giles, c'est non seulement de pas réussir à protéger Buffy en tant que père, mais aussi en tant que tueuse. Le chat, chat te remercie d'avoir cité Sangoku, Ryan. Avec plaisir. C'était le plus important à faire. Mais oui, il est invité à la prochaine convention, d'ailleurs. Encore une fois, il se passe un milliard de trucs. Buffy est devenu un vampire, quoi. C'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, moi, je trouve que c'est une idée formidable. Une tueuse de vampire, vampire. Vous trouvez pas que c'est génial? C'est génial. Et moi, je demande au chat, est-ce qu'on a déjà eu ça dans les bouquins ou les comics ou l'univers étendu Buffy? Parce que moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas eu plus. Plus de Buffy vampire? Plus de tueuse vampire. C'est une idée formidable, une tueuse vampire. Ouais, Blade, comme Blade. Voilà, comme Blade, évidemment. Mais voilà, je demande au chat et à sa grande sagesse s'ils n'ont pas vu ça à d'autres moments. Dites-nous sur le chat. Ce qui est marrant, c'est que Giles il interprète pas du tout comme il faut le cauchemar de Buffy. Il lui dit, je savais pas que tu rêvais de devenir un vampire, alors que c'est un cauchemar. Et c'est marrant quand on sait tout ce que représentent les vampires dans ce monde qui représente un peu le monde des adultes, où t'as Giles qui est un peu inquiet de voir sa petite Buffy qui voudrait peut-être devenir un vampire. Il croit qu'elle est dans Twilight. Fabien, la différence entre Buffy et Bella, c'est que Bella veut devenir un vampire, alors que Buffy, elle veut pas du tout. Elle a les pieds sur terre. Et elle ne le sera jamais plus, d'ailleurs, de toute la série. Et puis là, voilà, je commence à avoir faim. Mais voilà, c'est ça qui est génial avec cette série. Mais tout est drôle tout le temps. Quelle bonne série. Et en fait, c'est bien écrit, niveau construction, c'est le fait d'être transformé en vampire qui va lui donner la force d'affronter le méchant final. Tout est imbriqué. Ça, elle n'aura plus cette peur humaine, en fait, la force du vampire, en plus de celle la force de tuer. Sa monstruosité, c'est génial. Il y a des figurants zombies, là, avec l'électrochoc. C'est ça, le cauchemar du médecin qui me bute ses mains. Ça dure même pas une seconde. C'est un détail parfait. Et c'est avec le plan sur les guêpes d'or. C'est comme tous les cauchemars s'imbriquent les uns dans les autres. Un peu comme Cabin in the Wood. Après, il a repris tous les cauchemars de films qui sont sortis pour faire une maison de cauchemars où il y a tous les monstres. Et ça donne une épaisseur à l'épisode. Ça donne une impression d'immensité de l'univers. Tout Sunnydale, peut-être même tous les États-Unis, sont victimes du même truc. J'aime bien dans Buffy quand ils font ça. En fait, quand le phénomène prend de l'ampleur dans vraiment toute la ville et que tu vois plein de détails. Dans Band Candy, je pense à celui-là où tu vois plein de gens qui ont bouffé les bonbons en plan, qui font pareil des guêpes géantes, des dingueries, comme diraient certains. Et là, elle va dire un truc qui reviendra dans la saison 7, c'est tu fais peur, mais moi aussi, et je suis une des choses qui font peur aussi. Dans la saison 7, tu nous piques notre conclusion, Fabien. Désolé. Mais oui, t'as totalement raison, c'est totalement ça. C'est elle qui fait peur aux monstres. J'étais fier de l'avoir vue et tout. Et effectivement, ce qui est marrant, c'est que c'est pas le même acteur, à mon avis, qui joue l'entraîneur. Et lui, là humain, et ce gars-là, beaucoup plus grand avec le cascadeur. C'est un cascadeur. Oui, et puis c'est pour montrer aussi que comment le voit Billy, en fait. Oui. Il le voit comme quelque chose d'immense contre lequel il peut rien. Alors que c'est juste un être humain normal. Enfin, normal. Plus méchant que la moyenne. Oui, quand même. Si tous les entraîneurs tapaient sur leur. Et bim, je te casse ton bras batte de baseball. Elle explose. Il y avait un truc d'ailleurs très marrant petite tout à l'heure. Petite scène de castration au passage. Où Giles dit à Willow de la fermer dans une scène, alors que d'habitude c'est plutôt un traitement qu'il donne à Xander. Et là on voit que du coup Xander est peut-être quelqu'un qui gère un petit peu mieux ses émotions que Willow et qui gère mieux les situations de crise. Bah, ou que Giles, parce que lui il n'a pas envie d'entendre ses inquiétudes. Il n'est pas capable. Il dira plus jamais à Willow de la fermer. Heureusement, parce que sinon il serait fait démonter par Dark Willow. Et Big M nous dit que une tueuse vampire, ça a été traité dans les comics. Hein, donc encore une nouvelle. Il fallait lire les comics. Un nouvel argument pour aller lire les comics. Et là, voilà. Et là, le masque. C'est à Billy de finir le travail. No more hiding, c'est ça qu'il dit. Hein, c'est ça. Fini de se cacher. Il faut arrêter. Et c'est lui, aidé de Buffy et de ses amis, c'est lui qui enlève le masque du monstre pour faire éclater la vérité. Bon, l'effet un peu dégueulasse. Magnifique. On redevient normal. Et c'est ça qui est génial avec Buffy, c'est qu'elle a toujours ce truc de laisser les gens faire eux-mêmes les choses pour régler leurs problèmes, mais à les aider à leur tendre la main. Et on l'a dit dès le début, avec cette histoire d'écoute active et de machin, il faut libérer la parole. Il n'y a que comme ça que Billy s'en sortira, parce qu'il y a la santé physique, mais après il y a le trauma psychologique. Oui, bien sûr. Et c'est aussi d'expulser les choses qui permet d'essayer de s'en sortir. Il ne reconnaît pas le Scooby Gang, c'est triste. Et là il dit « I had the strangest dream and you were in it and you » et ça c'est une référence au Magicien d'Oz, figurez-vous. D'accord. Elle dit pareil, la petite... C'est pas la première. Je sais plus comment elle s'appelle. Alors là, l'entraîneur, il arrive, il tombe bien. Et en plus, il a l'air sympa comme ça. Il a l'air sympa, il tombe pile poil quand Billy se réveille. Tout innocent. C'est ça qui est bien. Ils ont choisi un mec qui a l'air vraiment sympa. Ouais, bah évidemment. Mais non. Déjà, il est entraîneur, c'est louche. Ouais, là, c'est... Il se balade avec son sifflet en permanence. Il a bien montré qu'il est entraîneur. Deux fois plus louche. Il ne se déplace que uniquement en sifflet. Et là, là, il a l'air con, là. Et d'ailleurs, il va répéter ce que Buffy lui a dit. Oui, pour il est trop mignon, Billy. Parce que Buffy a transmis son savoir. Ouais, ça c'est y beau. Est. C'est beau. Elle commence déjà. Et encore une fois, voilà, Buffy, une série fantastique, nous parle de vraies choses, de la vraie vie. Avec une morale et tout qui va bien, enfin, c'est vraiment. Mille pattes sur le chat n'aiment pas la gueule du coach. Elle avait déjà, elle a déjà perçu le malade derrière. Si on n'a pas encore compris à ce moment-là que c'est le méchant, mais oui, bien sûr. Encore un panneau qui joue sur la transition monde irréel, monde réel, là, à travers le flou de la haie. On arrive sur le lycée. Sur le lycée, sur Buffy, Xander et Willow. Et hop, et tout est redevenu normal. Tout le monde est redevenu normal. Le papa qui est gentil, qui vient chercher. Moi, j'y crois plus. J'y crois plus. Ouais, ça, il a trahi notre confiance. C'est le c'est père, ça. Là. Ouais. Ah ouais, moi, je jamais. Jamais le de poids des mots, on a dit. C'est ça. Alors que là, il a l'air cool. Hein. Il est content. De... Ouais, non, mais l'acteur fait bien son boulot. Mais. Mais c'est beaucoup mieux ce que dit Xander après, où il dit il faut que je me fasse soigner, ça c'est à mourir de rire. Mais en fait, on le voit aussi parce qu'il arrête pas d'être attiré par des monstres aussi. Hein. Ouais, c'est vrai. Il y a quand même eu l'épisode avec la Chimantis. Ouais. Il a quand même un certain recul sur lui, quoi. Il voit qu'il a un problème. Ouais, il peut il pas voit s'en qu'il empêcher, a un problème, mais... on est fin de saison quand même. Parce que pour ceux qui n'ont pas l'image, Xander et Willow sont en train d'évoquer le passage où Buffy était vampire et Willow demande à Xander s'il continuait de fantasmer sur elle quand elle était vampire. Il dit oui, bon, je dois être. Oui, bah, j'ai besoin d'aide. C'est juste clairement l'adolescent qui pense qu'à ça tout le temps et qui se dit ah, c'est quoi mon problème. Et bien, vous savez quoi, c'est déjà fini cet épisode. Ça arrive, c'est une vitesse, c'est passé extrêmement vite, c'est dense. Quand on parle vite et beaucoup. Ah là là là là là là. Ben, c'est le moment de passer à la conclusion, je pense, hein, parce que nos auditeurs et auditrices ont hâte de nous écouter. Conclure sur cet épisode riche, mais touffu, enfin un super épisode, quoi. Il se passe plein de trucs, c'est génial. Quel bon. Très série. Très bon. Et je vous envoie immédiatement le jingle de la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. C'est parti. Oui, conclusion. Conclusion de cet excellent épisode. Ouais, j'ai dit excellent. Alors, qu'est-ce que j'avais en conclusion, moi? Le temps que tu retrouves, moi c'est marrant, j'ai revu deux fois l'épisode pour préparer. Et la première fois que je l'ai revu, j'ai été un peu déçu. C'était pas aussi bien. Bon. Bah ouais, je me suis dit, bah tiens, il n'y a pas tant de trucs que ça. Et en le revoyant donc une deuxième fois, je me suis dit, oh putain, si, il est vraiment bien en fait. Il y a plein de trucs. Parce qu'il avait l'air justement un peu cassé, un peu. On fait des petits trucs, c'est rigolo, mais c'est pas très sérieux. Et en fait, la deuxième vision, je me suis dit, mais c'est encore un mécanisme d'horlogerie où tout est à sa place et tout. Ouais. Et la troisième fois, tu. Non, ils sont forts. Ils sont très très forts. Très très forts. Moi, je voulais vous parler, on a déjà évoqué cette revue, la revue 7ème Obsession, vous vous rappelez de ça? On en avait parlé, Hors-série spécial Buffy. Et bien, notamment dans la 7ème Obsession, il y avait un article sur Billy, consacré à Billy. Ok, à cet épisode en particulier. Oui, incroyable. Et ben... J'ai évidemment tout pompé, hein, tout ce que j'ai dit c'était dans cet article. D'accord. Un super article écrit par Sophie Bonadé. J'ai pris la meilleure photo avec le clown. Et génial. Donc je tenais à le dire parce qu'effectivement les quelques, enfin par la référence à Freddy et à Pennywise, moi j'avais pas vu perso et c'est grâce à l'article que j'ai vu. Parce que toi t'aimes pas Stephen King. Non, non, pardon. J'ai un peu teubé. On va pas parler de ça. Et elle dit des choses formidables. Attends, faut que je me retrouve dans mes notes. Et oui, et le truc par rapport aux figures d'autorité. Surtout l'entraîneur de baseball, le maître, le papa, et le papa qui deviennent du coup méchants. La figure d'autorité dans Buffy, c'est souvent des mauvaises personnes parce que Buffy combat l'autorité. Snyder manque beaucoup à cet épisode d'ailleurs. Il aurait eu totalement sa place. J'aurais aimé voir ses cauchemars. Et dans le conduit, tu mettais un truc, Sartman, dont t'as pas parlé. Tu nous demandais dans quel rêve on était, le lycée en construction avec toutes ces bâches et tout. Les bâches, je me demandais ce que c'était. On est dans le cauchemar de Snyder, tu vois, pour lui, le lycée fermé. Tout est en travaux, les peintures sont pas terminées, tout ça. Il y a le maire qui arrive. Peut-être que c'est ça, et qu'ils ont coupé au montage. C'est soit une hypothèse. Et ah oui, et elle expliquait que voilà, pour revenir sur ces deux monstres qui ont servi de modèle, j'imagine, aux monstres d'aujourd'hui, Pennywise et Freddy, ce sont aussi deux monstres qui attaquaient les adolescents. Hein. Oui. Rappelez-vous, Freddy, il a tué des enfants, et Pennywise, bah, pareil en fait. Donc voilà, et qui servaient des. Voilà, c'est pour ça que ces deux modèles sont marchent très très bien. Ce que j'ai appris en regardant Freddy aussi, c'est qu'une première version du scénario faisait de Freddy une victime aussi. Oui. Et que c'est pas ce qu'ils ont gardé dans le script final, en tout cas du 1, j'ai vu que le 1. Et là, ils ont gardé finalement après, la première version. C'est développé du coup, parce que justement, après, il parle, il parle du passé de Freddy. Il a été bouli, non? C'est ça? Ah non, il a été. Non, il a agressé des enfants. Et oui. Il a été. Et du coup, les brûlés quartiers de Elm Street se sont vengés sur lui. C'est un peu ça, c'est les villageois. Ouais, les villageois de Elm Street l'ont brûlé vif. Ah, mais parce qu'il y a plusieurs versions. Il y a une version où. Ouais, en fait, t'as raison, contre les films, sa mère c'est incohérent. A été abusé et c'est un enfant de naissance d'un. Ah oui, alors ça, c'est peut-être d'après. Mais oui, le premier, c'est juste. Ils l'ont brûlé. Et donc, c'est la mauvaise conscience, en gros, des parents qui a créé Freddy. Qui crée Freddy, qui attaque du coup leurs enfants. D'ailleurs, c'est les traumas de Giles, c'est à peu près le seul adulte qu'on voit avoir des traumas. Ouais. Ont pas l'air hyper intimes. En fait, on voit pas, il y a pas de rapport avec ses parents. Ouais, ouais. Enfin, c'est la lecture. En fait, ça reste superficiel. Cauchemar est en rapport avec Buffy. Alors voilà, oui, effectivement. Oui, à part celui-là. Mais c'est lié à l'immédiat. C'est pas lié vraiment à son passé. Alors qu'on sait qu'il a un passé. Il de a pas on le saura oui. après. Là, c'est ils ont vraiment, un trauma. Ils sont restés un peu en surface. C'est aussi lié à sa figure de père. De père, mais de juste d'observateur. Mais c'est ça qui est intéressant. Pas forcément plus loin. C'est pas dit clairement, mais c'est ça qui est intéressant dans cet épisode, c'est que la relation de Buffy et Giles, en fait, elle est en train de se construire, mais il le montre pas vraiment, et c'est à travers des petites scènes comme ça où tu comprends qu'en fait, Giles, il voit déjà Buffy comme sa fille, et là, il échoue à la fois en tant qu'observateur et aussi en tant que père, parce qu'il a pas réussi à la protéger, et en plus, il a pas réussi à l'empêcher de devenir vampire. Du coup, c'est les scènes avec Giles sont hyper touchantes. Le père est encore là. Oui, quand il aura disparu, entre guillemets, il y aura la place pour Giles. Oui, parce qu'on sent le malaise quand il rencontre Hank, de dire oui. Ah, c'est lui le vrai père. Et on le voit d'ailleurs, le moment où il y a le Cruciamentum, c'est un moment où elle doit voir son père, justement, il vient pas, il devait aller voir. Oui. Et elle lui dit, là c'est elle qui lui demande. Il envoie juste un bouquet de fleurs, comme ça. Oui, c'est ça, elle dit, mais on pourrait emmener quelqu'un à son spectacle sur glace, ou sa tueuse, voilà, elle tente. Et lui, il est en train de la trahir à ce moment-là, c'est ça qui est très fort, ça marche jamais dans Buffy. C'est très bien, t'as raison, enfin, pour aller plus loin, même, ça caractérise vraiment chaque personnage, ça rajoute une couche de complexité entre guillemets à chaque perso, et on est au début de la série, et c'est vraiment utile quoi. Et c'est Xander qui dit chaque réplique et chaque scène sont compte quoi. Xander dit ça au début de l'épisode, enfin je sais pas s'il le dit clairement, mais il fait comprendre que les rêves c'est quelque chose de très personnel. Oui. Dis-moi ton cauchemar et je te dirai qui tu es. En gros, c'est ça quoi. Et il explique que lui, les araignées, ça lui fait pas peur du tout. Par contre, les nazis, il en a peur. Enfin, tu vois. Et c'est exactement ce que vous dites. On va voir ça pendant tout l'épisode. C'est que ils vont avoir des cauchemars très très personnalisés. Et les peurs de Xander, elles sont très terre à terre. Genre que ce clown qui l'a traumatisé, il l'a vécu quand il était petit. Les nazis, c'est quelque chose de vraiment méchant. Ah putain, mais il dit ça aussi dans l'article. Attends, je vous lis ça parce que ça, c'est super intéressant. On a dit qu'elle s'appelait comment ? Sophie Bonadet, elle dit ça. La peur, donc chaque personnage, comme je disais, a des peurs personnalisées. Pour Buffy, c'est la peur de mourir. Pour Xander et Cordelia, ça va être la peur du rejet social. Mm-hmm. Et pour Giles et Willow, ça va être la peur de l'échec. Mmh. Et voilà, exactement. Et voilà, c'est, comme on dit, très très bien caractérisé. Ça crée des pères en plus. Ouais, Willow, ça rejoint débat son côté sur Freddy dans le chat. Hein, est-il vraiment un violeur d'enfants? Bon, c'est peu importe finalement, vu qu'il les a tués. C'est quand même un agresseur. Ouais, il les a tués. Non, mais c'est pas vraiment ça qui compte, je pense. Moi, je voulais citer un autre, une autre lecture. Bien sûr. Les rêves et séries américaines. Vous connaissez ce livre ? Oui. Un livre de Sarah Atchell, donc qui, comme son nom l'indique, parle de rêves dans les séries américaines, évidemment. Et dans le chapitre consacré à Buffy, qui est écrit en collaboration avec Claire Cornillon, il y avait un petit passage. Alors, ça parle beaucoup de Restless, hein, comme on l'a dit, l'épisode de fin de saison 4. Qui se déroule quasi entièrement dans des rêves. Ça parle aussi un peu de Billy, notamment page 153. Ça nous dit quoi ? Ah, citation. Deux points, ouvrez les guillemets. Ha ! J'aime bien. Ça commence comme ça, la citation ? Chelou. Un enfant dans le coma réussit à matérialiser ses cauchemars dans le monde réel. Cette intrigue peut se lire comme une mise en abîme de toute la série et de la manière dont elle traite le genre fantastique. Magnifique. Énorme. Moi, c'est mind-blowing. Mind-blowing. D'accord. Ça va Man tellement Bully, fort que c'est un peu comme un AVC. Il vient de faire un AVC, vraiment. Il vient de faire un AVC en disant cette phrase. Je pense que cette phrase formidable. Arrête non, mais... de lire, c'est trop dangereux. Ça devient dangereux. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est génial. Vrai. Et ça nous fait. Ah, on peut regarder l'épisode d'une autre manière encore. Mais oui, c'est complètement méta. C'est incroyable. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. L'épisode commence par une mise en abîme avec un rêve. Oui. Mmh. Ah oui, et on l'a pas dit, et des rêves qui deviendront réalité aussi, parce que annonciateur, t'as raison, Buffy en terre vivante, ça lui arrivera donc début de saison 6, comme on l'a dit. Et les sauts dans le temps aussi. Les sauts dans le temps, et le fait qu'elle se fasse tuer, mordre par le maître, c'est aussi prémonitoire, c'est ce qui lui arrive dans Prophecy Girl, deux épisodes après. Sur la couverture de ce livre excellent, il y a un plan de Battlestar Galactica. Une des meilleures séries du monde. C'est une excellente série, et dans laquelle il y a. Gaius Baltar. Ouais, il y a énormément de rêves aussi. Et c'est un motif récurrent en fait de plein de séries, et bah c'est pas pour rien qu'il y a un livre dessus, mais c'est traité différemment dans Battlestar et dans Lost aussi, une autre série fantastique évidemment. Les rêves sont plus là pour guider les personnages, c'est pas du tout des cauchemars ou quoi, c'est vraiment on est de leur point de vue des personnages et ils eux-mêmes doivent interpréter, on est à leur place en fait en tant que spectateur, on doit aussi interpréter le rêve qu'ils vivent et qui est annonciateur de plein de choses. Et ça me faisait aussi penser à un autre traitement des rêves, parce qu'en fait finalement les choses ne se ressemblent pas. Vous avez vu The Soprano? Oui, évidemment. Ah oui, les rêves de Tony sont super importants. Il fait des rêves régulièrement et là, on est dans la psychanalyse. En fait, on est dans la psychanalyse. C'est une autre vision. Enfin, pas une vision, mais une façon de mettre en scène les rêves et à expliquer des choses sur les personnages dans les séries. Et si vous connaissez pas Soprano, c'est génial. Mais dans Buffy, il n'y a pas que des rêves prophétiques. Il y a aussi des rêves dont tu parlais, comme ça, à interpréter. Dans la saison 2, où elle arrive à comprendre comme ça qu'elle a été trahie. D'une certaine manière. Ah oui, par Jenny. Par Jenny. C'est des rêves qui l'aident. Puisqu'elle relève son voile et il y a une espèce d'enterrement, de mariage. Non, en fait, c'est parce que dans Buffy, j'ai l'impression que les rêves, c'est traité comme un truc fantastique, en fait. Mm-hmm. Alors que dans Soprano, c'est traité comme un truc vraiment hyper réaliste. Ou comme dans Lost, c'est plutôt un truc mystique. Enfin, c'est pas du tout. Et dans Battlestar, c'est très mystique aussi. Et d'ailleurs, on parlait des enterrements. Elle se fait enterrer aussi dans l'épisode musical de la saison 6. Puisque quand elle rencontre. Il tombe dans. Elle tombe en même temps que Spike. Aussi en saison 2, en fait, elle se fait pas exactement enterrer, mais elle se retrouve dans une tombe vide. Une tombe vide, pardon. Elle tombe beaucoup dans des tombes. Elle passe beaucoup trop de temps dans les cimetières, c'est ça, je pense. Quand tu te balades dans des cimetières tous les soirs, les chances sont élevées de tomber dans une tombe. Fabien, quelque chose à ajouter en conclusion de Nightmares? Non, mais si ce n'est que moi, par rapport à ce que je développais, c'est un épisode qui, comme on est dans du rêve, c'est complètement baroque. C'est-à-dire effectivement le mélange du temps, le masque, le changement de point de vue. Il y a quasiment tout ce qu'on peut développer sur le baroque est dans cet épisode. La mise en abîme aussi. Il est parfait. Formidable. Bravo à tout le monde, on a bien parlé de cet épisode et tu nous fais une transition formidable. Incroyable. C'est tout de suite la rubrique de l'invité. Here we go. Pourquoi Buffy c'est génial? Mais rien que le nom, c'est le meilleur nom de tous les temps, vous savez ça. Buffy elle est géniale parce qu'elle a des beaux cheveux. Parce qu'elle a des vampires. C'est badass. Et elle a gros seins, c'est pour ça. Buffy c'est la base de la série télé, c'est la meilleure série télé du monde. Buffy ça vous donne du boulot. Buffy c'est génial. Et parce que le bronze c'est trop cool. Oui, rubrique de l'invité, donc jingle de l'invité. Alors, donc jingle polémique. Plusieurs personnes nous ont dit que ce jingle posait problème. Parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui dit Buffy, elle a des gros seins. Alors, il fallait que je précise quelques petites choses. La personne qui dit ça parle évidemment au deuxième degré, évidemment. Mais si, malgré tout, si ce jingle vous dérange, sachez qu'il dure 26 secondes exactement. Je l'ai chronométré. Et donc, les prochaines fois, quand on lancera le jingle, la rubrique de l'invité, vous pouvez avancer de 26 secondes pour ne pas tomber sur ce jingle. Je pense que c'est un bon compromis. Moi je suis ouvert à tous les retours, donc si vraiment ça vous dérange, hop, vous avancez de 26 secondes et hop, vous arrivez directement à la rubrique de l'invité. Mais pour l'heure, c'est comme on l'a entendu, le moment de la rubrique de l'invité. On va parler de toi, Fabien, de ton livre, de ton amour pour Buffy. Comme tu le sais peut-être, on a trois questions rituelles qu'on pose toujours à nos invités. On commence l'interview comme ça. Non, j'ai pas révisé. Ouais, bah alors la première question, je sais pas si tu sais laquelle c'est, mais la réponse est au tout début de ton livre. Je peux même dire la réponse de Fabio. Enfin, je vais te laisser lire. Donne-lui la question non, déjà. Je pense que je devine la question. C'est quoi la question alors du coup. Ah oui, comment... donne la réponse. Il pose la question. Jeopardy. C'est comment j'ai découvert Buffy, je pense. Voilà, ah, comment ça. Tu as découvert Buffy, et effectivement, tu nous donnes la réponse. Je raconte au début du livre. Dès les premières lignes du livre. Ouais, ouais, effectivement. Bah, c'était. Moi, c'est les années 90, donc j'étais en prépa littéraire. Et du coup, j'avais quand même besoin de me vider un peu la tête. Et c'était ma troisième année de prépa en plus, donc vraiment. Et du coup, de temps en temps, je regardais la télé pour me changer les idées. Et là, un soir, je suis tombé sur Buffy. C'était bien. Et c'était alors, c'est ce qui est bizarre, c'est que c'était l'épisode Bewitched, voilà, qui est imprononçable pour nous en anglais. Et je sais plus ce que c'est en français. C'est toute folle de lui, non? Folle de lui. Ouais, un charme déroutant. Un charme déroutant. Folle de lui, c'est celui avec le joueur de football. Et donc j'ai commencé cet épisode effectivement et sans avoir aucune attente et je me suis dit évidemment j'ai vu il y a pas de vampire quasiment dans cet épisode. Il y a quasiment pas Buffy. Elle est très peu présente. Mais c'est un épisode où elle était pas là en fait. C'est ça. Elle faisait une émission, pause, je crois. Elle enregistrait le Saturday Night Live. Vous êtes transformée en rat. Si je ne l'ai pas fait. Ouais, elle l'a transformée en non, pas commenté, non, ouais. Et en plus, elle a un gloss affreux, donc elle n'est pas du tout, je trouve, au mieux de sa forme. Et par contre, il y avait Cordelia. Et j'avoue que j'ai été faible, j'ai vu Cordelia, j'ai fait. Ah oui, ils ont trouvé des actrices très très belles et tout, et notamment la magnifique robe rouge, etc. Alors je suis désolé, hein, c'est très. J'étais jeune à l'époque, hein, je... Tu peux trouver c'est une actrice grave. Belle, y a pas de souci. Bah voilà, quand même, les séries pour adolescents, souvent on les regarde parce que les acteurs sont très très beaux. Parce qu'ils ont des gros seins aussi. Excusez-moi, c'était une référence. La porte qui sort. Dérapage. Ce sera un coup au montage. Je ne commenterai pas. Et voilà, et donc notamment cet épisode de Saint-Valentin qui avait l'air assez classique, mais déjà ce qui était rigolo, c'était un peu, même sans avoir vu d'épisode avant, il y avait le loser qui sort avec la fille populaire, quoi, et donc déjà c'était un peu original. Et puis après, ça part en vrille, c'est-à-dire il y a de la magie qui on arrive. Va mettre du fantastique là-dedans, ouais. Et puis la magie se retourne contre lui, et puis ça devient du grand n'importe quoi, et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai vu, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il faut que je voie d'autres épisodes, c'est pas possible. Avec Drusilla qui arrive dans l'histoire. Qui chope Xander. J'ai rien compris en plus. Pourquoi il y a des vampires? Alors, d'ailleurs, d'accord, c'est dans le titre, mais pourquoi il y a des vampires dans l'histoire? Et tout, c'était super, quoi. Je me souviens encore, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, j'ai commencé à regarder. Et après, j'ai vu tout ce que je pouvais. Ouais, tu t'es mis à suivre vraiment, c'était sur M6, tu suivais la diffusion. Après, j'ai tout suivi, j'ai ouais, même fait voir ça à ma future femme à l'époque, qui m'a pris un peu pour un fou hein, quand elle a vu les premiers épisodes. Elle a fait, mais qu'est-ce qui arrive? Oh la vache! Est-ce que je veux vraiment m'engager avec ce type-là? Elle était vraiment amoureuse, du coup, c'est bien. Ok, deuxième question. Quel est ton épisode préféré? Ah oui, ça c'est vraiment simple, c'est l'épisode musical. Okay. Ah ouais? Ah ouais, moi je l'adore. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. Et je l'ai vu en français, en anglais, plusieurs fois, dans tous les sens. Je pense que je dois connaître les chansons par cœur. Non, celui-là je l'adore justement parce que, un peu comme Billy qu'on a vu tout à l'heure, c'est tellement concentré, il y a tout dans tous les sens. Donc on peut le voir 15 fois, on trouve des nouveaux trucs et tout, c'est génial. Ok, parce que je pensais que t'allais citer un autre épisode. Dans ton livre, tu dis que tu as étudier Anne en cours d'histoire de l'art. Et alors ça m'intrigue un peu. Qu'est-ce que t'as raconté Anne, sur saison Anne, 3, épisode 1. Anne, premier épisode de la saison 3, ouais. Bah en fait, le cours d'histoire des arts, c'était une option en seconde. Pour les élèves, il y avait des enseignements d'options. Et notamment, il y avait histoire des arts. Et c'est un peu n'importe quoi, hein, donc n'importe qui pouvait le faire. Et moi j'étais disponible, donc je m'en suis occupé. Et du coup, on pouvait traiter vraiment de n'importe quoi. Donc j'ai traité de plein de trucs différents. Et notamment, j'ai dit, on va étudier un épisode de série. Ah oui, donc tu étais professeur, faut noter. Ah, j'étais prof, j'étais prof en lycée. C'était pas en seconde, tu étais prof pour des secondes. Oui, français, latin. Oui, donc il pouvait pas. Oui, c'est la suite de la prépa. Je suis devenu prof après la prépa, donc prof de français et de lettres, donc du coup en lycée. Et donc moi, je l'ai étudié avec mes élèves qui étaient inscrits à l'option. C'est le meilleur prof, quoi. Bah, j'espère. non, encore une fois, comme c'est un peu bizarre, Buffy, il y a des t'étais élèves. T'étais jugé par les élèves. Il y en a qui ont fait, oh la vache. Ah ouais, c'est ouais, chelou le prof. Ils n'ont pas osé me le dire, mais je pense qu'il y en a qui étaient atterrés et d'autres qui ont fait, oh la vache, c'est génial. Mais voilà, c'est de ma carrière carrière de prof, en fait, en gros, chaque année, il y avait un ou deux élèves qui connaissaient Buffy. Ok. Où j'étais obligé de parler de Buffy en classe à un moment donné. Et là, je voyais qu'il y avait dis, ouais, un une paire d'yeux qui s'allumait. Je faisais, toi, t'auras des bonnes notes. Ok. Et donc sur Anne, ouais, vous parliez du communisme, de ces trucs-là, ouais. Ouais, alors c'est ça qui m'intéressait, c'était le côté politique qu'il y avait. En plus, c'était on exploite des jeunes quand même, qui ouais. On ressort vieux. Ouais, donc, la force, c'était vital, intéressant ouais. Pour parler aux gamins. C'était intéressant aussi sur le plan du tournage. Enfin, pas du tournage directement, mais le choix de mise en scène, c'est-à-dire que c'est un épisode que j'aime pas spécialement. Je trouve qu'il démarre trop lentement, etc. Mais il a tellement de choses à raconter, donc je comprends pourquoi. Mais il y avait un plan séquence. Et ça, analyser les plans séquences, c'est génial parce que quand on fait pas gaffe, on voit rien du tout. Dans les couloirs du lycée. Et après, on explique, on dit regarde, c'est toujours le même plan. Oui, ça impressionne les lycéens. Ben ouais, c'est ça. C'est pour montrer qu'il y a du film dans une série aussi. Mm-hmm. Larry Bagby, qui interprète Larry, nous en avait parlé en interview. Oui. Lui aussi, comédien, il avait été impressionné par la mise en scène. Parce qu'il est très très long, celui-là. Là, il est très très long et plus de 2 minutes je crois ouais, genre et il donne je crois 2 minutes 30 ou 3 minutes 30 donc c'est énorme. Et on donne toutes les informations dont on a besoin et c'est un vrai ballet comme au théâtre, les personnages s'en vont, reviennent, ils ressortent et Whedon il le fait plein de fois dans la série en fait. Ah, il adore ça. À chaque fois il y a des plans séquences dans tous ses épisodes, il adore ça. Ouais. Dans ses autres séries aussi d'ailleurs mais en fait il laisse beaucoup de place aux comédiens en plus en faisant et ça il y a un côté très théâtral en plus, tout à fait, les comédiens peuvent vraiment exister physiquement dans l'espace et c'est là d'ailleurs si on voit s'ils sont bons dans le personnage je cite pas souvent ce film d'ailleurs avant dans le Avenger de Joss Whedon, mais il y a toute une dispute entre les Avengers filmé en plan séquence à la Joss Whedon. Enfin, t'as l'impression d'être dans Buffy ou dans vraiment une série de Whedon avec Captain America et tout. C'était la bonne époque. C'est très très fort. Donc il y avait tous ces éléments là qui faisaient que je me suis dit même s'ils et puis comme c'est un épisode de début de saison, je me suis dit même s'ils connaissent pas Buffy, les infos sont. Puis il y avait des rêves encore. Il y avait plein d'éléments où je disais qui permettent de comprendre parce qu'il y a un rappel. Donc je me suis dit ça c'est pas mal à utiliser. Et c'est vrai que je crois que c'est un des épisodes que je cite le plus dans le livre. Alors que c'est pas du tout mon préféré, mais il y a plein d'éléments hyper intéressants dedans. Alors le livre, venons-en. Baroque épopée. Oui, la troisième question, c'est. Parce que la troisième question, mais on la pose jamais vraiment parce que c'est le point de départ de tout le reste. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu fais quand tu regardes pas Buffy ? Et donc on se doute. Tu écris des livres. Oui, j'écris des livres. Principalement. Principalement. Là, en plus, j'enseigne plus, donc ça fait 5 ans que je fais que écrire. Donc oui, j'écris beaucoup ou je regarde d'autres séries. Et donc Baroque épopée, donc on l'a lu, on l'a tous lu, allez vous l'avez lu, enfin Cheval Mallory vous l'avez pas encore lu, on va te donner envie de lire. Là je vais le lire là. On va te donner envie de lire. J'emmène l'ingé son. En claquant la porte, attention au casque pour l'ingénieur son. Non alors donc livre, un essai donc sur Buffy, c'est pas courant, hein. Déjà bravo. Tu expliques ta démarche, page 16, tu dis que tu vas analyser la série comme j'ai appris à le faire au cours de mes études. Comme un classique de la littérature. Mmh. Est-ce que c'est vraiment ça qui est au cœur de ta démarche ? C'est ça ? Analyser comme non, une œuvre. Ça, c'est parce que moi, c'est ce que je sais faire. D'accord, ok. C'est ce que je sais faire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui m'ont dit il n'y a pas tant de choses sur, sur les plans et tout ça. Parce que c'est pas du tout ça, ouais. J'en parle quasiment pas parce que c'est pas du tout ma spécialité et j'ai pas le bagage pour faire un truc intéressant. Par contre, sur l'analyse littéraire, je pense que je peux apporter quelque chose. Du coup, c'était mon angle. Après, l'autre idée de départ, c'était effectivement... Alors moi, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire sur Buffy, et je prenais des notes, en gros. Et je prenais des notes pour voir... chaque vision, je l'ai vu plus de 10 fois en entier, Buffy. On doit être à 15 fois maintenant, facilement. Ça se sent ouais, dans ton livre, il y a beaucoup de. À chaque fois, voilà, je me disais, par exemple, les épisodes que j'aime moins. Justement, je me disais, est-ce que je peux pas trouver un petit truc pour. C'est exactement la démarche du podcast. Pour me stimuler. Sartman, quand il nous a parlé du podcast, il a dit non, mais on va faire les épisodes que les gens, dont les gens ne se souviennent pas, en fait. Ah ouais. Parce que pour montrer que c'est aussi bien dans ces épisodes que dans les autres. C'est vrai, je vous dis ça. C'est vrai. Voilà. Et du coup, je me suis donné un peu des petits thèmes pour certaines visions, des thèmes que j'avais repérés auparavant. Et je me disais, je vais analyser le truc. Le rêve, par exemple. Le rêve. À un moment, le sport aussi. Je me suis dit, tiens, le sport, ça revient quand même souvent. Et donc, je prenais des notes en cours de route. Et c'est là où on se rend compte, est-ce que la série résiste ou est-ce qu'on l'épuise? C'est-à-dire, il y a toujours la même idée. Quand tu dis résiste, c'est-à-dire que tu trouves toujours quelque chose à dire. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un peu. Là, je vais continuer à frimer, mais c'est comme l'œuvre ouverte d'Umberto Eco. C'est-à-dire que ils ont créé une structure qui permet de projeter des choses en permanence. Et c'est ça qui fait que c'est un chef-d'œuvre. Et il y a des séries comme ça ou d'autres choses où on a trouvé la signification, on a été impressionné par la première vision, on le revoit et on se dit bof, bah ça y est, ça a tout donné et tout. Et Buffy, non. À chaque fois, je trouvais des nouveaux trucs. Je me disais, putain, c'est pas fini, c'est fini, il y a encore des trucs. Oh, j'avais pas vu ça et tout. Et même au bout de 10 visions, je trouvais encore des trucs. Et même là, depuis que le bouquin est sorti, en discutant, parce que du coup, j'ai rencontré des tas de fans de Buffy, des gens qui font des trucs autour de ça, et on a eu plein de discussions, et j'ai découvert encore d'autres trucs auxquels j'avais pas pensé. Enfin, c'est sans fin, Buffy. Et tu parles de Umberto Eco, qui a écrit un essai aussi qui s'appelle Reconnaître le fascisme, que je vous conseille d'ici lundi prochain. Voilà, On a vraiment bien préparé cet épisode. Ah, c'est un truc faux. Celui-là, je ne l'ai pas lu en plus. Qu'est-ce que j'avais d'autre à te donner? Sinon, juste pour terminer sur première question, donc moi, c'était de l'aborder d'un point de vue littéraire, c'est-à-dire vraiment comme une œuvre littéraire. Et l'autre idée, c'était d'essayer de s'expliquer comment se fait-il que y a des gens qui vont regarder 15 fois les épisodes, qui vont toujours trouver ça génial, qu'il y a des publications universitaires en masse, c'est la série la plus étudiée, et à côté de ça, il y a des gens qui vont le regarder en disant « mais c'est de la merde, j'ai vu un ou deux épisodes comme ça, c'est complètement nul ». Et je me disais, mais comment se fait-il qu'on reste sur cette impression? Pourquoi Buffy, c'est génial, en fait. Voilà, finalement, mais tu vois, j'étais fait pour venir ici. C'est marrant, quand tu en parles, j'entends Sartman qui nous dit la même chose, en fait. Mais lui, il veut le faire en podcast, toi tu le fais en livre, mais... Oui. Et c'est de me demander pourquoi ça vient. Et je pense avoir trouvé... Et puis, j'avais une deuxième question, c'était que faire de toutes les remarques un peu éparses que j'avais eues en cours de route pour avoir vraiment une ligne directrice. Et en fait, j'ai étudié en prépa le baroque, et c'est une esthétique qui me plaît beaucoup, et en fait je me suis rendu compte que le baroque, c'était une esthétique qu'il y avait vraiment dans Buffy, et je me suis dit c'est sans doute ça, parce que le baroque c'est en grande partie le mauvais goût, il y a des trucs un peu moches, un peu bizarres et tout ça, qui va repousser les gens, qui en même temps fait la profondeur, qui fait l'originalité de l'œuvre, de la série, voilà. Et donc pour moi c'est vraiment le baroque qui est au cœur de cette histoire, et quand j'ai trouvé ça, je me suis dit en fait il y a une espèce de collision entre d'un côté le côté épique, c'est-à-dire c'est une héroïne qui tue des monstres, qui progresse, qui apprend, qui a des compagnons autour de lui, qui va vivre une évolution jusqu'à devenir un peu la reine d'une certaine manière. C'est ça, dans cette partie sur le côté épique, t'expliques que c'est une œuvre qui prend des références avec plein d'œuvres classiques, c'est au final très très classique. C'est une œuvre très très épique, et qui reprend des éléments, alors en les retournant quand même, c'est-à-dire on a des héros épiques et là on a une héroïne épique, donc c'est la force de Buffy aussi. Et ils ont rajouté par-dessus ça le côté baroque. Et je pense que ce côté baroque, il va non seulement avec le fantastique et tout, mais il va très bien avec l'adolescence. Parce que c'est un moment de trouble, de mélange, où on passe de l'un à l'autre, etc. Et du coup, c'est thématiquement, ça va super bien avec ce que la série raconte. Et je pense que c'est ça le coup de génie de la série, qu'on n'est pas capable de reproduire tout le temps. Hein, c'est ce truc-là. Et donc, d'où le titre Baroque Épopée, qui mélange les deux. Autre chose super intéressante dans ton livre, donc on sent que tu as vu beaucoup beaucoup la série, ouais, tu as pris clairement, beaucoup de notes. Quand on lit le livre, on sent que t'es fan. Hein, parce clairement. Que non, mais surtout, mais ouais, c'est tant mieux. Il y a quelque chose que moi je vois rarement dans les livres sur Buffy. Déjà, il y en a pas beaucoup, mais là on voit pas ça. Il y a plein de listes et de nombres. Tu quantifies à peu près tout. Par exemple, dans combien d'épisodes on voit la maison de Buffy, ou alors la liste des mots français dans la série. Elle est géniale cette liste. Alors ça je l'ai vraiment fait. Il y a d'autres listes en fait que j'ai prises. Je le cite à un moment d'ailleurs. Sur un site quand même où ils ont compté pour moi. D'accord, il y a pas fait quand même. Je suis extrêmement déçu. Par contre, les mots français c'est moi. Les mots français c'est formidable. Mais quand il y a le compte, je sais pas, du nombre de démons qu'elle a tué, ça c'est sur le site, c'est sur le, je sais plus comment le ça s'appelle. Le Wikia peut-être. Ouais. Mais je le cite à un moment en disant quand il y a des stats, c'est. Oui, tu fais les choses super bien. Il y a les notes de bas de page et tout. Mais le français, par contre, ça fait partie des notes que j'avais prises. C'est tellement improbable. Oui, c'est sûr que tu retrouves ça nulle part. Voilà, je t'ai dit. Mais français, ça revient souvent quand même. Elle est en cours de français. Quand elle rêve, c'est en français. Elle parle en français avec Giles. Elle a des cours de français. Des cours de Willow. Français pendant Scoulard. Et il y a plein de moments, en fait, dans la saison, ça doit être la saison 6, non, la 7, où c'est après le 11 septembre, et puis les refus de la France de participer à l'invasion, d'accepter la guerre en Irak. Il y a des petites piques sur les Français. Oh, ils sont pires que les Français. Il y a des piques qui sont très très bien trouvées, par contre. Il y a un moment, je sais plus ce qu'il dit. dit, il dit oui, c'est sumérien, ils comprennent rien. Elle fait ah oui, ils sont pires que les Français. Et c'est exactement ça, quand on voit les Français en langue étrangère. Ça rejoint en fait ma dernière critique sur ton livre, Fabien. C'est que j'ai trouvé ça, on en a parlé juste avant le podcast, dense en fait. J'ai trouvé ça que c'était entre guillemets dur à lire parce qu'il y a beaucoup d'informations, tu apportes plein de choses, plein de références. Donc les gens qui veulent lire le livre, ouais, c'est un vrai engagement, c'est un essai. C'est un livre universitaire, on pourrait le décrire comme ça ou pas? Alors moi j'avais l'ambition de faire un truc quasi universitaire. Moi tu le dis au début. D'où le fait que je cite tous les épisodes que je peux. D'ailleurs, ouais, il y a énormément de notes de bas de page. J'ai vérifié, j'ai cité tous les épisodes au moins une fois. j'ai vérifié. Après j'ai regardé les épisodes que j'avais pas cités. Je suis allé les revoir en me disant à quel moment je peux les réutiliser et tout. Parce que là, c'est pour juste les auditeurs. Il faut quand même, c'est un livre assez pointu finalement. Il y a beaucoup de références. Faut pas hésiter à aller chercher en plus du livre, aller plus loin. Quand tu cites des choses. J'avais l'ambition de faire une somme sur Buffy. Après, je sais pas si j'ai réussi, mais je voulais faire le truc le plus complet possible, notamment grâce à cette approche qui me permet de quasiment de parler de tout. Et quand j'y arrive pas, je fais des parenthèses. Il y a des petits moments, t'as des paragraphes sur tel truc. Il y a des moments où tu théorises dans le livre aussi. Tu parles de choses et puis finalement c'est pas ça. C'est autre chose. Alexandre Legrand, par exemple, Alexander Harris, tu parles de ça? Bah, c'est des fausses pistes, quoi. Ça montre. Mais que tu explores quand même dans le livre. Ouais. Bah oui, parce que c'est en lien avec ce que j'ai dit juste avant et tout. Mais en gros, l'idée, c'est c'était ça d'un côté, et aussi vraiment de s'adresser aux fans de Buffy. Quoi. C'est pas un truc pour découvrir Buffy. Ouais, je m'adresse à des gens qui connaissent la série. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. En fait, si j'avais vraiment développé pour que ce soit accessible à des gens qui connaissent pas Buffy, le livre, il aurait fait 600 pages. Quoi. Ouais, là, je peux me permettre d'aller vite parce que je pars du principe, tu connais Buffy. Tu vas lire. Ceux qui vont le lire, c'est des gens qui aiment Buffy, qui ont envie d'avoir des analyses dessus. C'est pour comparer avec Marion, parce que vous avez sorti Marion Olité. Ah bah dessus, c'est l'inverse, effectivement. Oui, elle veut faire découvrir. Vous avez sorti vos bouquins plus ou moins en même temps, c'est pour ça que je la compare. Un jour d'intervalle, quasiment. Ouais, et puis elle était là dans le dernier podcast, mais elle a plus effectivement une démarche de montrer pourquoi, d'essayer de conquérir entre guillemets des nouveaux complètement. Elle nouveaux explique certains épisodes en entier, ce que je fais jamais parce que j'ai pas la place et j'ai pas le temps. Mais c'est ce qui est bien du coup, c'est marrant quand le livre de Marion est sorti, je me suis dit oh là putain c'est pas possible, concurrence quoi. Il y a aucun livre sur Buffy et puis en un an il y en a quatre. Ouais c'est ça. Il y avait une lettre à Sarah aussi. Et du coup je l'ai acheté très vite, je l'ai lu pour voir et je me suis dit c'est bon. C'est ce qu'on a dit à chaque fois, vous êtes très complémentaires. Voilà, c'est hyper complémentaire parce qu'elle s'adresse aussi à des gens qui vraiment ne connaissent pas du tout la série, où elle va vraiment t'aider, te prendre par la main en te disant c'est comme ci, comme ça. Et puis elle a un prisme que j'ai pas du tout exploré, qui est vraiment le féminisme. Moi j'en parle, mais c'est vraiment par petits bouts, c'est pas du tout mon truc. Déjà aussi parce que je me sentais pas non plus de parler de ça. Légitime, pour ça. Et pour, je me sentais pas vraiment légitime, j'ai pas de compétences particulières là-dessus. Et en plus, ça a été beaucoup labouré par les études anglo-saxonnes. Évidemment. Ouais. Moi, ce que je voulais éviter, c'était de parler que du langage, du féminisme, du genre, de tous les trucs que les Américains ont déjà vachement bossé. C'est vrai qu'en lisant, ça fonctionne parce qu'en lisant le livre, j'ai l'impression de ne pas avoir lu des choses pareilles ailleurs en fait. Par exemple, dans les articles que traduit Mallory ou sur certains. T'as un angle vraiment original. Ouais, ton angle littéraire permet d'avoir des choses, effectivement, comme je me suis dit que j'avais jamais pensé à ça. Tu fais des associations d'idées. Genre Buffy c'est une héroïne solaire, elle s'appelle Summers, elle habite à Sunnydale, elle a une soeur qui s'appelle Dawn, elle est blonde, enfin effectivement tu fais des liens tu dis mais évidemment, et ça c'est ton approche vraiment littéraire, je pense, qui te permet de faire ça, et c'est pour ça que c'est... Et encore cette partie là c'est pas la plus originale, c'est le premier exemple qui me vient en tête, mais il y a plein de choses comme ça où t'as fait des études littéraires tu le vois immédiatement, alors que le baroque je pense que c'est moins clair, c'est la partie dont je suis le plus fier, quoi. C'est vraiment pour moi mon apport personnel au truc, parce que c'est un mot que j'ai jamais rencontré dans tous les essais que j'ai lus sur Buffy. Ah, alors, clairement. La déviance, quoi, le pas de côté, l'irrégularité. L'irrégularité, c'est bien ça. C'est le bazar, quoi. C'est pour ça que c'est aussi riche derrière. c'est effectivement. Big M sur le chat qui nous dit c'est un essai, je croyais que c'était une version finale. D'accord, c'est le principe. Big M, c'est drôle. C'est un essai transformé, on va dire. C'est un essai transformé, effectivement. Dans l'essai, tu dis que Buffy t'a inspiré Parce que donc on l'a évoqué, tu as écrit beaucoup de fiction en fait. On en parle un petit peu après, bien sûr. Bah, surtout, moi j'ai envie qu'on en parle maintenant, parce que tu dis même que Buffy t'a inspiré dans tes œuvres littéraires, donc notamment des choses qui s'appellent le miroir des vampires, Nixie Turner et le croque-mitaine. Ah, c'est ça les trucs, d'accord, ok. Ah non, il y a le lien, non, mais je. Mais moi ça m'intéresse beaucoup, c'est une trilogie. Eh ben moi je ne connais pas. Trois, ouais. Donc tu as toi-même, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Tu as écrit des livres donc en rapport avec Buffy ou que Buffy t'a inspiré en fait, c'est l'idée. Alors. Ouais, alors en fait le miroir aux vampires c'est une trilogie. Et donc l'idée c'était en pleine époque Twilight. D'accord. Et j'en avais un peu marre et donc je me suis dit je vais faire des vampires nazis. Et donc le miroir aux vampires c'est un mélange entre Twilight et la vague quoi. Mais la vague. Ah, la vague. Finalement, c'est une. Ah, trop bien. Jordan Bardella se présente à l'Elysée. Ah oui. Ah oui, non, mais c'est moi aussi, je fais des rêves prophétiques. Ah oui, c'est ça. Non, pardon. Excuse-moi. Voilà. Et donc l'idée, c'était vraiment de faire un anti Twilight. Donc c'est pareil. Il y a plein de prémices qui sont les mêmes. Hein. C'est dans un lycée. Il y a des vampires qui apparaissent et tout. Sauf que ils passent le bac au bout d'un moment. Et il y a un côté nazi. C'est-à-dire, d'où le miroir. Il y a une fascination pour l'image. Puis ils rentrent dans un système, etc. Avec un mec un peu sympa au début, mais pas dangereux, tu vois. Et qui essaye de conquérir l'établissement. Et après, j'ai fait le tome 2 et le 3. Le tome 2 est plus d'inspiration Buffy. Et le tome 3 est plus d'inspiration Angel, je dirais. Mais les personnages regardent Buffy, évidemment. Ah oui, d'accord. Je regarde Buffy. Bien. Mais ça revient dans plusieurs trucs. Effectivement, on parlait de Nixie Turner et les croque-mitaines. Les personnages regardent Buffy à un moment. Et puis ils disent... Il y en a un qui dit « Ah, toi, t'es notre Xander. » Il fait « Quoi, moi, le Xander ? Je pensais que j'étais le Giles. » Il fait « Ah non, laisse tomber. » Xander, c'est toujours pareil. C'est vraiment le Xander. En fait, on veut tous être les autres, et au final, on est tous Xander. C'est ça. Et pareil, y en a un autre, je l'ai pas apporté, mais c'est une série qui s'appelle Sally Cornia. Je suis en train d'écrire le tome 3, là. Mais pareil, les personnages... Il y a un gars qu'on vient recruter. C'est un Oni qui s'est retiré après une guerre et tout. Et dans l'autre monde, là où il y a toutes les créatures. Et quand on vient le chercher, c'est un vampire qui débarque. Et il est pile en train de regarder Buffy contre les vampires. Il s'est préparé une pizza et tu le mets et tout. Dans sa caravane au Japon. Et on lui dit, on a besoin de toi. Et il repart au charbon. Okay. Et à part ces petits clins d'œil de tes personnages qui regardent Buffy, comment tu penses que la série t'a influencé dans ton travail d'écrivain les structures, par les personnages, par quoi ? Consciemment peut-être en fait. Alors il y a plein de trucs inconscients. Il y a un truc que j'ai fini par comprendre, c'est qui est très clair pour le coup maintenant, c'est que je me suis rendu compte, notamment quand j'écris des romans jeunesse, que très facilement c'est des héroïnes qui me viennent plutôt, le personnage principal. Et pendant des années on me disait mais pourquoi ? Je dis par féminisme et tout, ce qui est vrai, hein, pour rééquilibrer la balance. Et puis après je disais je le sens mieux comme ça. Et en fait, je pense en écrivant l'essai à la fin, je me suis dit mais en fait ça vient de là. C'est Buffy quoi. D'accord. C'est Buffy qui m'a influencé et tout. Ce qui a été très marquant pour moi dans Buffy, alors après il y a l'écriture, c'est-à-dire ce travail de sans arrêt renvoyer à la fiction qui renvoie à elle-même, et puis on construit jamais juste en droite ligne, on fait toujours référence à ce qu'il y avait avant et tout. Le troisième, c'est un truc qui est assez rigolo, qui m'avait vraiment marqué à l'époque, c'est tout l'érotisme tourné vers les personnages masculins. Ok, ouais. Parce que dans Buffy, on passe son temps, là par exemple, dans l'épisode qu'on a vu, c'est Xander qui apparaît dénudé et tout. Ouais. Et on peut parler d'histoire de seins dans la série, en fait, on n'en voit pas. En fait, on désamorce toujours la plastique des comédiennes pour projeter tout le fantasme. Voilà, les comédiennes sont très belles, mais elles ne sont pas beaucoup érotisées. C'est exactement. Vraiment les corps masculins qui non seulement sont érotisés, mais en plus en général sont torturés. Le nombre de fois où on voit Angel torse nu. Voilà, torse nu, puis on lui plante des pieds. Spike aussi tout le temps. Spike aussi, il y a des morts. Riley aussi torse nu tout le temps. Ouais. Même Xander au final. Et Xander aussi. Donc c'est ça qui m'avait marqué à l'époque. Je me suis dit, mais ça c'est cool. C'est parce que t'as jamais vu ça. D'habitude, c'est les actrices sont très sexualisées et tout. Puis souvent, ça ne donne rien d'intéressant. Et là, au contraire, on retournait complètement le truc. Et là, pour le coup, c'était original. Et ça, c'est un truc qui m'a vachement marqué en fait. Parce que je me suis dit, ah oui, c'est possible de faire comme ça. Donc du coup, c'est ça aussi, je pense que c'est une influence. Alors je sais pas si je fais de l'érotisme masculin tellement dans mes livres, mais c'est resté en moi. Donc c'est important, pas mal d'influence. Ça fait partie du truc. Mais sur l'écriture, voilà, on parlait de scénario tout à l'heure. Buffy, c'est vraiment un modèle d'écriture. C'est vraiment génial, quoi. Tout est hyper cohérent et tout. Ouais, on en parle souvent. Ouais, c'est, ouais, et ça, tu te dis, bah, il faut essayer de le garder. C'est tellement jouissif quand tu lis, ouais. Et que tu. Ah, oh, tu repères tel truc et tout. Et en fait, tu fais confiance à l'intelligence du lecteur ou du spectateur. C'est-à-dire, tu lui donnes un détail et tu dis, le lecteur, la lectrice va le retenir et 100 pages après, tu lui en reparles. Alors, il faut évidemment le mettre en valeur, hein, parce que si ça passe comme ça, faut aider un peu le lecteur, ou la lectrice. Que ce soit baroque, justement, tu vois, ou faut que ce soit un détail un peu incongru, un truc un peu. Et le baroque, il y a ça aussi, effectivement, l'esthétique baroque, je pense que ça a été une influence aussi de Buffy, voilà, sur les rêves, on joue sur le temps, on joue sur la magie, etc. Le monde est instable, quoi. Instabilité, ouais. Juste pour évoquer vite fait le jeu de rôle, donc t'es joueur de jeu de rôle, t'as écrit dans Cassius Belli à l'époque. J'ai écrit dans Cassius Belli. Les gens qui, ouais, les rôlistes qui nous écoutent. C'est la deuxième ou troisième version. D'accord, ouais. Non, donc c'est début 2000, fin 90, début 2000 que t'écris. Ouais, fin des années 90, je sais plus, il doit y avoir les dates des articles, mais je me souviens plus bien. Parce que pour expliquer, Riley est grand joueur de jeu de rôle. Il a aussi un podcast qui s'appelle la JDR Academy, que je sais pas si vous écoutez, les auditeurs et les auditrices de Pourquoi Buffy c'est génial. Des vraies parties de jeux de rôle montées, enregistrées avec des actuels P en fait. Et on a fait un épisode Buffy avec le jeu de rôle Buffy. Et mais je crois que je l'ai entendu, je l'ai écouté cette émission. Ouais, c'était chaotique mais drôle, on avait rigolé. D'ailleurs, faut qu'on fasse la suite. Avec Colette, on en reparlera plus tard. Moi j'interprétais Jace. Et Mallory, tu jouais Willow. Ouais. Il était incroyable. Maintenant, je l'ai entendu cet épisode. Je suis bien marré aussi. Ouais, c'était... Mais oui, le jeu de rôle est une influence importante pour moi aussi. Moi, le premier roman que j'ai écrit, c'était d'après un univers de jeu de rôle. Une partie que tu avais faite ? Une campagne ? Non, alors pas du tout. Non, ça, j'ai toujours évité parce que ça, c'est très très dangereux au niveau scénaristique. Parce que les moments où s'éclate, de toute façon, tu dois voir déjà toi la différence entre une vraie partie et un actual play. Bah, tu dois plus je vais dans le temps, plus les montages, j'inverse des scènes. Je recrée complètement en fait une histoire. Avec l'enregistrement, parce qu'une partie c'est bien quand t'es dedans. Exactement. À écouter de l'extérieur, il y a des moments où il se passe rien du tout. C'est pas assez... Non, il faut recréer une fiction. Enfin, mettre une heure et demie à tuer un monstre. Alors quand il y est, que tu lances les dés, t'es content et tout. Attends, je vais ressortir tel truc, etc. Mais voilà, pour quelqu'un de l'extérieur, c'est nul, quoi. Et donc tu continues aujourd'hui le jeu de rôle. Je continue. Encore, ouais. En fait, le roman que j'ai écrit, c'était Les Héritiers. C'était un univers inventé par des potes. Un jeu de rôle. Et ben le jeu de rôle, en fait, je l'ai écrit en 2001. Le roman est jamais sorti, le jeu non plus, et le jeu a fini par sortir en 2021. Et du coup, j'ai sorti le roman à ce moment-là, que j'ai retravaillé. Tu as écrit des jeux de rôle aussi ou pas ? Alors, non, pas directement. J'ai participé à celui-là en écrivant des bouts du livre de base. J'ai écrit des scénarios. Là, on est en train d'écrire la grande campagne, parce que c'est un jeu où, en gros, on est des fées. Cachés parmi les humains autour de 1900 et parmi ces faits là qu'on appelle des faux semblants, il y en a qui font des rêves prophétiques évidemment avec des gars qui se battent dans la boue, alors c'est pas ce que vous croyez, ils sont en uniforme et tout, voilà, ils sont dans des espèces de tranchées, on sait pas pourquoi, il pleut, c'est de la boue et tout, et il y a un immense dragon qui apparaît dans le ciel et là on se réveille en sursaut et on entend en 1914 tout s'achève, je suis un héritier. Et donc on doit trouver pourquoi on a ces rêves-là et tout. Et l'idée, c'est de donner tout pour les joueurs, qu'ils puissent finir s'ils veulent ou qu'ils fassent des détours s'ils ont envie. Et donc là, on est en train d'écrire une grosse campagne en deux volets qui mène jusqu'en 14 pour terminer le jeu, si on veut. Et après, d'autres qui trucs qui sortiront. Kickstarter, enfin, ou équivalent C'était Ulule, je crois, qu'on avait fait. Vous allez refaire une campagne et tout Je sais pas si on va faire une campagne pour ça. Alors là, c'est l'éditeur, c'est le département des sombres projets, ça c'est eux qui. Oui, département, c'est ça que j'ai fait comme tout ça. Ouais. Donc on va voir. Mais là, déjà, il faut qu'on termine la grande campagne. Merci en tout cas, Fabien, c'était super. On a appris plein de choses. On a beaucoup envie de te lire. J'espère que les auditeurs et auditrices auront aussi envie de te lire. Merci Fabien. Et là, je crois que c'est l'heure de la rubrique de Clément. Mais comment c'est possible? Il n'est pas là? Alors, je crois que Clément a confié sa rubrique à son stagiaire. Quoi on dit comment? Stagiaire, Clément, c'est quoi cette connerie? On dit plus stagiaire maintenant. On dit stagiaire. Non. Esclave? On dit. Emploi jeune. Non, c'est pas emploi jeune. C'est, d'accord. Emploi fictif. On dit. comment on dit? Une manière polie de dire des gens qui travaillent sans être payés. Enfin bref, Clément a confié sa rubrique de Clément à son stagiaire. Et on va l'écouter tout de suite. Et on l'écoute maintenant. Hi, I'm Clement. We met once before. Yes. Yes, we did. Hey, la chronique de Clément, aussi appelée la prochaine sera plus drôle, et Clément voyez spécial. Vous l'avez ? Clément, envoyé spécial, parce que je suis pas là. Voilà. Bon, j'avais dit que la prochaine serait plus drôle, hein, j'avais pas parlé de celle-là. Merci Sartman, hein, merci Riley, et merci Canasson Flamboyant, là, je sais pas quoi. Vous m'avez déjà remplacé, hein, on peut même pas s'absenter 14 épisodes sans qu'on vous pique votre place. Bon. Donc, désolé pour le son, hein, j'enregistre avec mon téléphone. Comme je vous disais, je suis pas là parce que je suis à l'EHPAD avec ma mamie Rose. Voilà, mamie, elle est juste là. Ça va, mamie ? Comme vous savez, on est en pleine période d'élections législatives, hein, et je me suis proposé pour prendre la procuration de ma mamie. C'était important pour mamie de voter, et comme elle peut plus le faire, bah, je me suis proposé pour accepter sa procuration. Et comme ça, ça évitera qu'elle vote pour des nazis, hein, hein mamie ? Hein ? On a déjà fait la connerie une fois, on va peut-être éviter de recommencer, hein. Surtout si tu veux garder tes cheveux cette fois. Bon, vous inquiétez pas, elle entend rien, hein. Tout ce qu'elle fait, c'est baver maintenant, elle s'en colle partout, c'est un enfer, elle est tout le temps en train de baver, là, on dirait Angel devant une adolescente. Donc n'oubliez pas les élections, hein. Petit conseil, si vous avez un EHPAD pas loin, bah allez visiter les vieux, hein. Ils sont tellement seuls, ils vous laisseront rentrer de toute façon, et là, paf, vous récupérez toutes les procurations. Qu'est-ce qu'ils vont s'emmerder à aller voter, hein. Ils ne verront pas le prochain mandat, autant que leur vote serve à quelque chose, hein. Donc, conclusion, hein, bourrez les urnes avec les vieux. Vous pouvez aussi tenter l'inverse, mais ça fait des traces, et les aides-soignantes, elles sont pas assez payées pour ça, hein. Ou elles sont pas payées tout court d'ailleurs, hein, donc autant qu'on vote pour augmenter leur salaire, hein. Pas vrai, mamie ? Hein, mamie ? Elles sont gentilles, les aides-soignantes, mamie ? Oh là là, oh, elle tremble, c'est terrible. Hein. Elle a la tremblote, on dirait Nicolas Brandon devant une boîte de fentanyl, c'est dégueulasse. Hein. Ouais, on pourrait se dire que bon, s'ils tremblent tous comme ça, on pourrait leur coller des dynamos, hein, ça fera des économies sur le chauffage. Mais sinon, en allant voter, on peut peut-être faire baisser les coûts de l'énergie. Bon, je vous laisse, hein, je pense que c'est l'heure du dodo. Merci encore Sartman, hein, merci Riley, et sans rancune, poney fringant là. Et n'oubliez pas d'aller voter, hein. Enfin, si vous le désirez. Moi je m'en fous, tout ce que je peux espérer, c'est que la prochaine sera plus drôle. Eh ben super bruit de Clément, le stagiaire il est bon, hein. Le stagiaire, attention Clément, et peut-être le stagiaire va te prendre ton travail, hein. Le stagiaire c'était Kairis, et on te fait un gros bisou. Et c'est maintenant l'heure de passer à la rubrique Si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. You're English, right? Yeah. I've seen every episode of Doctor Who. For God's sakes, Andrew, you've been in here for 30 minutes. What are you doing? Entertaining and educating. Well, why can't you just masturbate like the rest of us? Alors, si t'aimes Buffy, tu vas aimer ça. Donc, Riley nous fait une pause fraîcheur, mais c'est pas grave. Moi, je vais vous parler d'un film, qui s'appelle Ghostland, un film de Pascal Laugier de 2018. Est-ce que vous avez vu ce film ? Ça vous parle ou pas, Ghostland ? Non, mais je note. Je l'ai vu, il y a Mylène Farmer. Mylène Farmer. C'est un film d'horreur, un film, attention, à ne pas mettre devant tous les yeux et les oreilles. C'est un film extrêmement déstabilisant, vraiment très très horreur, donc j'annonce tout de suite. Mais super bien, si vous aimez l'horreur, et les films bien dérangeants, c'est pas mal. Donc c'est l'histoire de deux sœurs adolescentes et de leur maman. Leur maman est interprétée par Mylène Farmer, effectivement, ça fait plaisir, parce qu'on voit pas souvent Mylène Farmer au cinéma. Elles emménagent dans une vieille maison lugubre, dans un trou paumé des Amériques. Et donc c'est un début ultra classique de film d'horreur, parce qu'évidemment, elles vont être... on va venir les embêter dans cette maison, et il va se passer des choses étranges, et vraiment très très très... Enfin, que ça va leur faire mal, quoi. Elles vont prendre cher. C'est un film très efficace, il n'y a pas d'exposition qui dure 3 quarts d'heure, on est directement dans le concret, dans le gore, dans le violent. Donc je le dis et je le répète, c'est vraiment pas un film pour les enfants, c'est un film avec des tueurs d'enfants justement, avec des monstres, et des monstres qui n'ont rien à envier à Freddy et Pennywise qu'on a évoqué aujourd'hui. Le gros méchant d'accueil, enfin il y a deux méchants, il y en a un qui fait vraiment penser au monstre qu'on avait aujourd'hui là, avec son bras à batte de baseball. Il y a Sam qui nous parle de l'actrice défigurée sur le tournage. Oui, ça on en parlera à la fin. On en parlera à la fin. Effectivement, il s'est passé des choses pas cool sur ce tournage, mais il y a quand même un film qui en résulte. Un film qui est assez impressionnant, moi je trouve. C'est un film qui va vous faire peur déjà. Ça va vous faire sursauter, ça va vous déranger. Parfois, vous allez avoir envie de détourner le regard. C'est violent, c'est gore. Il y a du sang, enfin, il n'y a pas trop de sang et de trucs dégueux, mais c'est vraiment, c'est toujours dérangeant. La photo, elle est super. La déco, elle est super. Les comédiennes, elles sont super. Mylène Farmer, elle est super. Et donc, on l'oublie un peu trop vite. Donc c'est un film d'horreur qui est vraiment impeccable. Et voilà. Et c'est un film d'horreur qui est plus lié au trauma lié à un événement horrifique qu'à l'événement horrifique en lui-même. Je sais pas si je m'explique, mais voilà. On va passer assez peu de temps sur ce qui va arriver à ces jeunes filles. On va passer plus de temps sur les conséquences en fait pour ces jeunes filles. Et après, je vais pas dire trop de choses sur l'intrigue parce que il y a beaucoup de twists et moi, c'est ces twists-là qui ont contribué à l'énorme plaisir que j'ai pris à voir ce film. Et voilà. Et Pascal Logier. Je finis en vous disant que voilà, ça a vraiment des liens très forts avec Buffy. Donc c'est un vrai système Buffy, tu vas aimer ça. Mais je le répète une dernière fois. Pour les esprits, c'est pas pour les esprits sensibles, ça pour les violents. Parce que la mise en scène, enfin le réalisateur, c'est Pascal Logier qui nous a habitué à faire des films. Il fait des films hardcore et ouais. Là, c'est ça qui fait que ce film est génial, c'est que la mise en scène du film est incroyable. Le mec est trop fort. C'est pas lui qui a fait Martyr aussi ? C'est fait Martyr, voilà. Martyr qui est extrêmement hardcore. Loin. Martyr qui est très très très violent, très très dur à regarder, et Saint-Ange aussi qui a été un très bon il film. Il fait des très bons films, il est plutôt rare sur les mais il fait des bons films. Et voilà, il est rare, pourquoi ouais. Il est rare notamment peut-être éventuellement parce qu'effectivement sur ce tournage il y a eu un problème, une actrice au moment de faire une cascade sur Ghostland du coup. Oui, sur Ghostland s'est retrouvée avec du verre plein la figure et presque défigurée, elle a dû avoir 70 points de suture de soutouche pour refaire son visage. Et donc on a beaucoup parlé de cet événement. Le réalisateur, donc Pascal Logier, a un peu insisté pour qu'elle tape sa tête contre la vitre et tout. Enfin, en lui disant ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bon, ça s'est pas bien passé quoi. Du coup, ouais, voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'il est coupable. Enfin, responsable en tout cas. Peut-être pour ça qu'on voit plus trop le Pascal en ce moment. Mais il en résulte. Après, il fait des films qui ne fonctionnent pas au cinéma aussi. Voilà. Donc, c'est des films vraiment de niche. Hein, ouais, vraiment. C'est vraiment. Mais si vous aimez l'horreur, il est vraiment. Si vous aimez avoir peur et être dérangé et gêné en regardant l'écran. C'est un peu limite malsain. Enfin, Martyr surtout, c'est. C'est pour vous. Ça va extrêmement loin. C'est malaisant quoi. Ouais, mais c'est le but, c'est tout le but du film en fait. Donc. Fabien, est-ce que tu as un système Buffy, tu as aimé ça? Oui, alors moi c'est un vieux truc. Bah, on aime les vieux trucs. Vous en avez peut-être déjà parlé, mais en réfléchissant. On a 10 ans. Oui, voilà. Mais c'est encore plus vieux que ça. je sais pas si vous connaissez la série Lost Girl. Non. Ah, cool. Bah écoute, ça tombe bien. C'est une série canadienne qui date de 2010. Il y a eu 5 saisons. Et en gros, c'est l'histoire. Elle s'appelle Beau, je crois, l'héroïne. J'ai pas mal oublié parce que j'ai vu ça il y a longtemps. Et c'est une succube. Ah. Et donc, son énergie lui vient de ses relations sexuelles avec des hommes et des femmes, d'ailleurs. C'est très queer friendly. Et voilà, et en fait elle se retrouve coincée entre, dans le monde il y a les fées de l'ombre et les fées de la lumière parce qu'il y a tout un tas de créatures autour de ça, et elle devient enquêteuse pour se débrouiller autour de ces mondes là et franchement c'est super bien. Okay. Alors ils ont pas de fric. Ça comme se voit. Buffy, saison. Ouais, ça série se voit. Canadienne, c'est donc c'est ça. Série canadienne. Ouais, ouais. Et 2010 en plus, donc ça a dû vieillir. Mais franchement, c'est assez fou. Mais c'est très très sympa. Et il y a des moments. Je me souviens qu'en la voyant, je me disais ah, c'est un peu comme s'il y avait une nouvelle dose de Buffy. C'est pas aussi bien évidemment, mais il y a des petits trucs. Donc je vous le conseille. Génial. Et il y a une super bande son en plus. Tu connais le titre québécois? Ah non, vas-y, fille perdue. Baiser fatal. Ah, baiser fatal. C'est original par rapport au titre que j'ai. Oui, là, ils sont vraiment éloignés. Non, non, franchement, la série est très très sympa. Mallory, est-ce que vous aviez un système Buffy? Tu vas aimer ça. Oui, j'en ai un. Oui. Dis-nous tout. Moi, je voulais parler d'un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange. Ah, c'est vrai, tu me l'as dit cet après-midi en plus. Qui est sorti, je pense, en 2017, quelque chose comme ça. Qui est un jeu vidéo sur une adolescente, genre une jeune adulte qui doit aller sur ses 18 ans, qui découvre qu'elle a le pouvoir de remonter le temps. Et en fait, elle va découvrir qu'elle peut modeler un peu les événements à sa guise. Quand quelque chose se passe et qu'elle ne voudrait pas que ça se passe, elle peut s'amuser à remonter le temps. Et on va apprendre dans ce jeu que ça peut avoir des conséquences et que ce pouvoir va faire peser des responsabilités sur ses épaules qu'une enfant de son âge ne devrait pas avoir. Donc voilà, c'est un peu sur fond de passage à l'âge adulte où elle va avoir des décisions très difficiles à prendre en rapport avec ce pouvoir qu'elle a. Il y a une ambiance très très cocooning avec une très très bonne bande son aussi qui est hyper agréable. C'est pour ça que ça m'a aussi fait penser à Buffy. C'est très très important. Beaucoup de références à la pop culture. Donc un très très joli jeu vidéo que je conseille. Pas du tout violent. Il adore aussi. Pas du tout violent, mais très très difficile parce qu'il parle quand même de sujets compliqués. Oui, c'est très narratif. C'est ça. Voilà, faut prévenir. Moi j'ai essayé ce jeu. C'est narratif, ouais. On peut s'ennuyer si on veut. Moi j'aime bien la bagarre, j'avoue, dans les jeux vidéo. J'ai eu du mal avec la... Mais je vois très bien. Effectivement, c'est très beau. Ouais. Ça se passe, les décors sont magnifiques. Il y a des forêts, des arbres au bord de la mer et tout. C'est c'est une ambiance relaxante, reposante. Très folk. Le thème est vraiment bien abordé de l'adolescence et de ce pouvoir qui vient rentrer dans sa vie et qu'elle va pas forcément utiliser comme il faut au début. Et elle va apprendre que. En fait, elle a des responsabilités beaucoup plus grandes que celles qu'elle devrait avoir à son âge. Et bien, un jeu qui parle de sujets forts, il y a du suicide, De kidnapping, de handicap. Du viol aussi. D'abus sur les élèves. Enfin, c'est vraiment un jeu qui aborde des tas de choses très difficiles, le harcèlement, mais un peu à la manière de Buffy. Il n'y a pas beaucoup d'humour dedans. mais c'est vraiment un très beau jeu. Eh bien, merci. Voilà. Merci, Valérie, pour ce coup de cœur. C'était Buffy, tu vas aimer ça. Riley, je crois que vous avez un Steam Fit, tu vas aimer ça. Oui, rapidement, pour conclure cet épisode qui dure des heures, je voulais reparler de Supernatural avec mon ami Fabien, grand fan. En fait, avec ma chère Mallory ici présente, on est allé il y a 3 semaines à la convention Darklight Convention Supernatural à Courbevoie. Près de Paris, magnifique. Et en fait, du coup, on a rencontré de loin. De loin, il y en a un que j'ai touché. Ouais, c'est vrai que tu l'as touché. Les comédiens de Supernatural et tout. Et c'était vraiment. C'était bien. Ouais, en fait, je parle de ça parce qu'on fait des conventions Buffy. Peut-être, entendu, on a fait des podcasts là-bas et tout. Donc, c'est des conventions beaucoup plus intimes en fait. Avec, on est beaucoup moins nombreux. Il y a les comédiens. Et puis, c'est une série qui est assez âgée, hein, comme toi, certains. Et du coup. Et du coup, c'est pas du tout la même ambiance. Là, on était dans un amphi, enfin, c'était gigantesque, il y avait 1000 personnes, c'était l'hystérie totale, et puisque la série est quand même s'est terminée il n'y a pas si longtemps que ça, finalement. Il y a 3-4 ans, ouais. Et du coup, c'était vraiment une autre ambiance, enfin, j'ai trouvé ça... C'est pas pareil, ouais. Ouais, c'est j'ai comparé beaucoup moins intimiste. Beaucoup moins intimiste, beaucoup plus usine, entre c'est guillemets, moins, mais c'était quand même vraiment sympa, et je voulais parler de ça parce que Supernatural, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est... C'est vraiment une série héritière de Buffy, les mecs qui ont fait cette série. Qui est cité plein de fois en plus. Voilà, le Eric Kripke qui fait The Boys en ce moment, qui est showrunner The Boys. C'est lui qui. Enfin, c'est un super fan de Buffy, c'est obligé. Et non, juste pour finir, je vous invite à faire ce genre de convention si ça vous plaît. J'ai eu de la chance de ne pas payer cher, mais ça coûte assez cher. Mais c'est vraiment une occasion de parler de la série, de rencontrer plein de gens fans de série. Il y avait évidemment plein de t-shirts Buffy quand on était là-bas, parce qu'il y a des fans, quoi. Moi, le premier. Mais les fans de Buffy sont plus rigolos et sympas que les fans de Supernatural. D'accord. Les fans qu'on a vus qui étaient sympas à la convention Supernatural, c'était des fans de Buffy. Il y avait plein de gens qui parlaient de Buffy. Il y avait des gens qui parlaient de Buffy. À la base, moi, j'étais fan de Buffy. Après, j'ai découvert Supernatural. Après, j'étais en manque. C'est ça. Non, mais c'est totalement une série. Sœur, enfin, héritière, c'est ça. Et gros bisous à Laetitia qui était avec nous, fan de Buffy qui est sur le Discord. Pour Me Queen. Eh ben, c'est super tout ça. Voilà, on finit le podcast tranquille. On vous remercie tous et toutes d'avoir été déjà sur le chat, de nous écouter. Il faut absolument nous mettre des étoiles sur iTunes parce que sinon Riley il a rien à dire quand on arrive au gros bisous. Donc il nous faut des 5 étoiles, c'est très important. S'il vous plaît. Plus important encore, il faut aller voter dimanche. C'est même plus important, laissez tomber avec nous. Allez voter direct. Allez voter contre le Front National, même, c'est encore mieux. Et s'il vous plaît. Nous, on se retrouve déjà le 5 juillet pour les 10 ans de Pourquoi Buffy c'est génial. On va boire des coups, ça va être trop bien. Et on se retrouve évidemment la semaine prochaine, hein. C'est toutes les semaines le podcast, hein, c'est ça. Hein. Non, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Pourquoi Buffy c'est génial, très bientôt. Et on vous embrasse, on fait des gros bisous, on te remercie beaucoup Fabien d'être venu. Je vous fais des gros bisous aussi. Merci beaucoup Fabien, c'était très cool. On remercie Xavier à la technique. Allez Xavier, c'était incroyable. On l'applaudit. Fait du son formidable. Un ingénieur du son, c'est quand même la classe. Et attends, puis je lance j'oublie tout. Et on parle par-dessus. Ouais. Nickel. Ça va résonner un peu, on peut. Hein, on peut, là. On va résonner un peu, on s'en fout. La gestion te fait un gros doigt, là. Hein, c'est bizarre. Mais c'est le doigt du pouce, alors ça va. Et Mallory, merci d'être là. Hein. Alors, oui. C'est officiel, tu seras tout le temps là. Tout le temps. Ah ouais, d'accord. Tout le temps. Vous êtes prêts? Ah bah on est prêts, on est super prêts. Et puis j'aime bien cette histoire. La prochaine fois, on prend des douches. Hein, on prend des douches plus ensemble. Allez, gros bisous tout le monde, salut. Merci le chat.